Alors, Adrien, DJ, qu'est-ce qu'on met comme morceau? Allez, on va mettre Henri PFR. Henri PFR. Voilà. Tout de suite, là. Attends. C'est quoi le nom du titre, s'il te plaît? Alors, ça s'appelle Until the End. Ah, ça va être génial. Avant la fin, tu peux le dire en français si tu veux. Until the End. Henri PFR. Ok, et donc tu as 15 secondes très exactement. Oui, tout de suite, Henri PFR. Until the End. C'est fait. Attends, mais non. Attention. Tu as 15 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Tout de suite, Until PFR. Non, merde. On recommence. Ah oui, ça y est. Allez. Ok, vas-y. Tout de suite. Bon, allez, je recommence. Vas-y. Doc, t'étais pas prêt. C'est parti. Vas-y. Rémi Piffière, Until the End, tout de suite. Bravo. On n'aura pas mieux. Non, mais là. Je savais que dans le passé, je faisais ça le dimanche soir. Ah ouais, mais Doc à l'époque était animateur radio. Mais non, je faisais juste un petit délire dimanche soir. Ah disons, ça devait être enregistré ton affaire. Hein? C'est rigolo, c'était en direct. Il faisait ça dans son salon, tranquille. Il devait y avoir du monde qui écoutait. Hein, parce que... non, mais il n'y avait pas grand monde à la radio. Merci beaucoup pour ce grand moment de radio, les mecs. Merci. Ça fait plaisir. Allez, on attaque la Vin Fun, c'est parti. Salut les copains. Vous voulez faire de la radio avec nous? Ladies and gentlemen, please welcome. Tous les soirs, 01 42 48 5000. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Salut tout le monde, bienvenue sur Fun Radio. Je sais pas comment je vais pouvoir passer après Doc, après cette prestation. On est très content d'être avec vous, j'espère que vous allez tous bien. C'est l'avant-dernière avant les vacances, l'avant-dernière de Love in Fun. Demain, soirée spéciale été, on viendra en claquettes chaussettes dans l'émission. Moi je viens normal. Hein. Ah oui, non mais toi tu viens comme tu veux Doc, tu fais ce que tu veux. Toi. Mais vous n'avez pas venu en maillot de bain quand même? Bah si, et puis il y a des petites surprises qui sont prévues. Toi tu finiras à poil, je te le dis, mais tu le sais pas encore. Franchement ça va être énorme, soyez là demain. Il y a plein d'auditeurs aussi qui veulent assister à cette émission, il suffit d'envoyer un mail. Pas d'exhibitionnisme. Bah pas du tout Doc, tu me connais. Love in Fun at funradio.fr. On est là avec vous jusqu'à 22h pour nous appeler comme tous les soirs. 01 42 48 5000, les réseaux sociaux. Alice bien sûr est toujours présente, ça va Alice? Ouais carrément, je suis déjà connectée donc je vous attends. Les petits messages sur le hashtag Love in Fun, sur la page Facebook. On est aussi sur le Snap Love in Fun Radio, l'Instagram, bref on est partout. On est partout, il y a Julie notre auditrice du soir qui va nous rejoindre. Bonsoir Julie. Bonsoir Karel, bonsoir Alice, bonsoir Doc. Salut. Bonsoir Julie, t'as 19 ans, t'es à Roquebrune toi. C'est ça. Et alors tu t'es inscrite pour faire de la radio avec nous pendant 2 heures? C'est ça, sur Facebook. Eh ben ça fait super plaisir que tu sois là, tu vas pouvoir réagir à tous les sujets pendant l'émission. Et tu commences par choisir la musique, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Alors moi ce serait Bassada. C'est ça Bassada, et c'est vrai que c'est trop bon ça. Tube de l'été hein. Music sounds better with you. Dans l'émission aussi ce soir, Edia Your Mind. Quand on va rentrer de la plage, qu'on va écouter ça, ça va être tellement cool. Il y aura aussi Katy Perry, la superstar mondiale. Chain to the Rhythm. Et on a Edgar qui est avec nous. Edgar, 15 ans de Rennes, qui nous rejoint. Bonsoir le Breton. Salut Dodoc, salut Karel, salut Alice, salut Guillaume, salut Cassim, salut tout le monde. Salut Cindy aussi au standard. Eh ben bravo, t'es magnifique. Edgar, ce soir, un petit breton là, ça fait plaisir. Tu nous appelles pourquoi Edgar? Alors moi je vous appelle parce que je suis avec ma copine depuis 2 mois. Ouais. On sort ensemble, tout se passe très bien, je l'aime, voilà. Et il se trouve que vous savez, Snapchat, maintenant, il y a une nouvelle application, enfin, il y a une nouvelle fonctionnalité, on peut voir sur la carte. Oui, j'ai vu ça. Oui, c'est ouf. Ça. Alors ça, c'est énorme. Alors, il faut peut-être qu'on explique pour ceux qui sont pas au courant. Je sais pas si tu es au courant de ça, Doc. C'était avec l'application Snapchat. Donc, il y a plein d'applications. Hein. On prend des snaps, ça, tout le monde est d'accord. Mais maintenant, ils ont mis en fait une localisation. C'est-à-dire que si tu ne désactives pas ta localisation, eh bien, on sait où tu es. N'importe quel utilisateur de Snapchat, si t'as un ami, peut te voir en fait. Et donc. niveau, enfin, je sais pas, tu peux même plus tromper personne, quoi. C'est quand même chiant. Je trouve ça honteux, regardez. Vous avez vu comment Karel était très au courant de ça. Non, mais attends, mais c'est. Alors, tu veux que je te dise, c'est Alice qui m'en a parlé. Bah oui, parce que je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Je me suis dit, mais où est Karel? J'ai cherché en Normandie et tout. Je me suis dit, il l'a désactivé. Je suis en fantôme. Et alors, Edgar, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Eh bah, justement, en fait, ma copine devait être à la danse, normalement, parce que ça va faire bientôt 2 ans qu'elle fait de la danse. Ouais. Bon, je l'ai encore jamais vu vraiment faire, mais en tout cas, c'est pareil, elle a un bon niveau. Ouais. Et en fait, sur ses horaires de danse, je l'ai vu sur Snapchat, elle était avec son ex. Mais comment tu sais qu'elle était avec son ex? Parce que t'as vu qu'elle était dans la maison de son ex? Parce qu'il y avait son pseudonyme, Anthony tiré du 9. Ah, enfin, y a... deux en ami. Ah bah oui. Okay. Donc ah, en ouais. fait, ils étaient tous les deux ensemble, quoi. T'as vu? Ah oui, non mais ouais. D'accord. Ah, ouais. Ah, ça craint, ah, tu lui en as parlé ou pas? Ah bah non, je comptais le faire là maintenant, là devant tout le monde. T'as, c'est exactement ce que je disais en fait, c'est là que tu vas voir que t'es cocu en fait. Bah grave. Et là, attends, ça se trouve, il se passait rien. Attends, tu sais pas, ils étaient peut-être dans la même rue, mais pas côte à côte. Enfin, on sait pas, attends d'avoir des explications. Non, j'ai bien zoomé, c'est exactement à côté. Hein. Okay. Ok. Bon, alors, t'as décidé de l'appeler en direct? Ouais. Eh ben on y va. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Laura. Oh, la confrontation en direct sur Fun Radio. On appelle Laura tout de suite. Snapchat va tuer ton couple. Très belle sonnerie. Allô? Ouais, allô Laura, c'est moi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, tu sais, sur Snapchat, il y a une nouvelle application, la fonctionnalité où on peut se géolocaliser. Ouais. Et hier, tu sais, quand tu devais être à la danse, vers 18h. Bah ouais. Et bah en fait, t'étais en centre-ville et je t'ai vu, t'étais avec Anthony, quoi. Mais c'est quoi ce truc de paranoïa là? J'étais à la danse, pourquoi tu... Non, j'ai inscrit, non, c'est pas genre. De toute façon, c'était avec Anthony, je l'ai vu. J'étais à la danse. Mais... Attends. C'était marqué... Non, mais sur la carte, tu sais, il y a la carte à tout le monde. C'est en direct, vous voyez, en plus, vous êtes déplacé un moment. C'est en direct, je vous ai vu. C'est pas genre, je vous ai vu. Du coup, vous étiez bien à côté. Et tu le nies en plus. Oui, bon, oui, j'étais pas... De toute façon, j'ai jamais fait de danse. Quoi? Attends, quoi? Quand je me suis mis avec toi, je venais juste de quitter Anthony, et bah, j'ai toujours des sentiments pour lui, donc on se voit, on est resté en bon contact, et je n'ai jamais fait de danse. Ah, d'accord, en fait, tu te fous carrément de moi. Non. Non, mais attends, on sort ensemble, on est bien d'accord? Bah ouais. Et là, tu te permets de me dire que... Enfin, attends, tu l'aimes encore? On sort ensemble et... Mais quoi? Et tu fais même pas de danse, mais... Hein? Edgar, elle n'a jamais fait de danse. Mais elle se fout de moi, là. Ah bah, oui, et pas qu'un peu. Bonsoir. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Bonsoir, Laura, tu es en direct sur Fun Radio dans Love in Fun. Ah, d'accord. Je m'appelle Karel, il y a Doc, Alice, toute une équipe. Tu fais pitié, c'est traîné. Edgar nous a... Attends, elle t'a pas trompé. Bah, non, elle m'a pas trompé, elle dit qu'elle a encore des sentiments pour son ex, je suis désolée. Non, elle a dit à l'époque, elle en a encore maintenant, t'en as encore, Laura? Elle vient de le dire, non? Et Laura, tu l'aimes encore, ton ex? Que, bah, on s'entend bien et je... Ouais, évidemment, tu fais plus de danse, hein. Mais pourquoi tu lui as dit que tu faisais de la danse, Laura? Mais parce qu'il n'a pas forcément à savoir que je revois encore mon ex. Ça lui permet. Voilà, ça lui permet. Elle est à l'aise. Enfin, maintenant, il le sait. Tu savais que tu pouvais te faire griller comme ça? Oui, ma meuf. Attends, je vais regarder sur Snap. Grave. Dis-moi, elle est partie. Non, allô, je suis là. Tu savais que tu pouvais te faire griller comme ça? Ben, non. Eh oui. Eh ben oui. Profitez-en tant que personne ne le sait encore. Hein? Bon, écoute, Laura, là, aujourd'hui, avec Edgar, Qu'est-ce que tu as à lui dire, là, précisément? Parce que tu lui as menti, on voit bien que tu hésites encore. La relation d'avant est toujours très présente dans ta tête. Alors, tu fais quoi avec lui? Tu restes avec lui? Tu t'engages vraiment ou... Ah non, mais c'est mort, hein. Laura, c'est terminé, là, entre nous. Ça va pas être possible. Okay. Mais t'avais une super bonne personnalité et tout, et vas-y, tu me mens, tu me prends pour... Enfin, je sais pas, tu me prends pour quoi? Ben, je suis pas con. C'est une rupture, Edgar. Ah bah oui, le doc, si Katoche venait tranquille avec moi, je suis désolé de te le dire, mais je pense pas que tu vas apprécier. Ah bah ouais. Pas un moment. Ah c'est vrai. Bah, je crains rien, moi, mais bon. Oh, attention. Elle a snap, Katoche? Oui. Ah bah, je l'ai retrouvée. Ah ouais, tu l'as retrouvée. Il la suit depuis tout à l'heure. T'as pas vu qu'elle était chez moi en Normandie la semaine dernière? Non, j'étais avec elle. Bon, et franchement, Laura, je suis désolé chaud, que ça se passe comme ça. C'est hyper chaud, là, ce qui vient de se passer. Laura, toi, t'en penses quoi? Bah, je sais pas, il fait ce qu'il veut. Ok, d'accord. Ok, donc bon. Tu t'en fous. Oui, c'est ça. D'accord, super. Non, mais quand même, Laura, tu te rends compte que t'es sur Fun Radio, là. T'es devant toute la France. Mais ça change quoi? Même d'autres pays, enfin, c'est enregistré, tout ça. Enfin, ça, tu ça te rends compte du truc. Il y a du témoin, quoi. Ça va, Edgar. Non, mais ça change quoi? Non, mais attends, quoi, attends. Oui, pas vraiment. Dis-moi, ça change quoi? Tu la quittes? Oui, je la quitte. Mais au moins, je pourrais prouver à mes potes que c'est Laura. Non, franchement, non, Laura, non. Vous savez quoi, on va prendre des nouvelles demain. J'ai l'impression que vous avez besoin de parler tous les deux. Oui. Ouais, demain c'est le brevet, c'est super. Ah, en plus la veille du brevet. Non, demain le brevet, c'est après-demain. Il sait même pas quand il passe, il va pas y aller. Hein? Non mais franchement Edgar, on te rappelle demain, veille du brevet, d'accord? Ok, hein, d'accord. Pour te détendre. Grave. Laura, ouais. Laura, on t'embrasse fort. Et bonne soirée. Et sur une autre planète, Laura. On va te repasser, Edgar. D'accord. Ok, j'ai une pensée pour tous ceux qui viennent d'ouvrir l'application Snapchat et qui ont activé la position fantôme. Bien sûr. Kevin est avec nous, 15 ans de charte. Salut, Kevin. Salut, Doc. Salut, Carré. Salut, Alice. Bienvenue sur Fun Radio, Kevin. Salut. Tu nous appelles pourquoi? Alors, moi, j'ai envie de vous poser une petite question. Ouais. Pourquoi est-ce que quand on marche dans la rue, tous les mecs, ils se retournent tout le temps pour mater le cul des filles? Ah ouais. J'avais vu une vidéo comme ça, vous avez tourné en caméra cachée et c'est vrai que les mecs matent le cul des filles. Hein. On en parle dans un instant et Jason Derulo débarque, sois là sur Fun Radio. Suivez-nous sur Snapchat en tapant Love in Fun Radio. La radio numéro 1 sur les nouveautés, c'est Fun Radio. Fun Jadid. The Chainsmokers et Luan. Edia. Hi, it's Jonas Blue on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés. C'est Fun Radio. Le son dance floor. Fun Radio et ses discounts vous évitent de faire la queue dans les magasins pendant les soldes. Demain, écoutez Fun Radio non-stop et gagnez 300 euros pour profiter des soldes sur ses discounts. C'est énorme! Avec ses discounts, vous êtes plus riche que vous ne le croyez. C'était une belle soirée. On avait nos meilleurs amis. Une fois de plus, on a refait le monde, jusqu'à pas d'heure. On a bien mangé, bien rigolé, bien bu aussi, c'est vrai. Alors je leur ai proposé de dormir à la maison. Comme ils n'étaient pas loin, ils ont préféré rentrer. Et comme j'ai pas insisté, on s'est dit au revoir. Et nos amis sont jamais arrivés chez eux. C'était un adieu. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. Sécurité routière. Tous touchés. Tous concernés. Tous responsables. Fun Radio présente le festival Mix Party édition électronique musique. Samedi 5 août. Au théâtre de Verdure de Nice. Venez faire la fête sur le meilleur du son dance electro, mixé par les DJ résidents Fun Radio, Lumberjack et plein d'autres. Fun Radio, let's go! La nouvelle édition du festival Mix Party dans l'enceinte mythique du théâtre de Verdure de la ville de Nice. C'est avec Fun Radio, le son dance floor. Plus d'infos sur funradio.fr. Dis, tu veux faire des économies? Ah bah oui. En ce moment chez Bouygues Télécom, oui. Tu peux profiter de la B-Box Miami plus un forfait mobile pour seulement 14,99€ par mois. 14,99€? Mais c'est un prix... Exceptionnel, comme moi. Nouveau chez Bouygues Télécom, profitez de l'offre spéciale box plus forfait mobile à 14,99€ par mois pendant un an, puis 35,98€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3 euros par mois, engagement 12 mois. B-Box Miami avec un forfait biennio 24-24 20 mégas. Offre soumise à conditions et éligibilité. Fun Radio présente la Paris Games Week by Coca-Cola. Venez découvrir en avant-première les jeux vidéo les plus attendus de cette fin d'année. Here we go! Réservez vos billets dès maintenant sur www.parisgamesweek.com. Et rendez-vous du 1er au 5 novembre à Paris Expo, porte de Versailles. La Paris Games Week, le salon français du jeu vidéo. Avec Fun Radio. Ce super bon plan KFC du mardi. 13 tenders pour seulement 6,95€. Je pourrais partager avec Ben ou Amélie. Ou pas. Ouais, plutôt pas, Ben. Tous les mardis chez KFC, 13 tenders pour seulement 6,95€. À partager ou pas.

tout le temps, il se retourne pour mater le cul d'une meuf quand elle passe dans la rue et tout, je sais pas pourquoi. D'accord. Et pas discrètement en plus. Hein. Ah. Bah ouais, avec les gros yeux comme ça, bien fixés quand elle passe sur le boule. Bien sûr. Genre, il tourne la tête, quoi, tu vois. Ouais, comme mais ça, dis-moi, fixé. Ils ont des femmes, ces mecs, non? Bah ouais, mais bon, même quand t'as une copine, tu vois un bon truc qui passe, t'es obligé de regarder. Mais alors, tu veux savoir pourquoi est-ce qu'on est attiré comme ça par... Bah c'est, ouais, la réponse est facile. Bouge. Mais non, mais c'est pas qu'il bouge, c'est que naturellement, ton regard masculin, imprégné d'hormones, ce qui n'est pas encore peut-être tout à fait ton cas, va vers des stimulus sexuels. Et je suis désolé, les fesses et la poitrine d'une femme sont naturellement des stimulus sexuels. Voilà. Après, maintenant, je peux comprendre que les nanas, elles acceptent difficilement de se faire reluquer comme ça, quoi. Sérieux. Ouais, enfin, oui, parce qu'en plus, les mecs... Parce qu'en fait, les filles matent aussi, mais je ne sais pas pourquoi ça se fait... Pas. Non, elles matent pas fait beaucoup mieux. Alice, tu mates notre cul? Non, pas ça, j'ai non. pas dit ça. Mais en général, on voit pas trop quand vous matez notre cul, du coup. Ah bah oui, parce que vous bah êtes oui, de dos. Bah oui, on est de dos. Oui, bien sûr. On ne le sait pas. Non mais même de face, hein, t'as plein de mecs qui matent, hein, franchement. Bah oui, clairement. Bah, carrément. Non mais Kevin, c'est juste qu'il fallait mettre des lunettes de soleil, comme ça ils étaient plus discrets. Ouais, mais bon, quand t'as la tête tournée comme ça en fixé, c'est que la fille se retourne, elle crame bien quand même. Ouais. Ah oui. Après, je sais pas moi, ça t'est déjà arrivé, Julie. Toi, t'as 19 ans. Je suis sûr que t'es une jolie femme et que les hommes se retournent. Déjà, comme dit Alice, on le voit pas forcément. Donc, mais on le sent quand même. On le sait pas. Tu sens quand même. On le sent, mais on veut surtout. Moi, personnellement, je veux surtout pas me retourner parce que c'est là que tu te sens super mal à l'aise et que y a un truc qui arrive. Donc, ouais, y a un regard, quoi. Mais parce qu'en plus, si tu te retournes, le mec est persuadé que tu t'intéresses à lui, quoi. C'est ça, exact. Il est persuadé qu'il a déjà gagné. Ouais. Alors moi, franchement, je vais être honnête, il m'arrive de regarder une nana quand je la croise. Jamais je ne me retourne pour regarder son cul. Jamais ça ne m'est arrivé. Jamais. Kassim fait ça, lui. Jamais. Par contre, lui, c'est totalement... Karl, c'est un mytho, il se retourne. Bon, peut-être une fois ou deux. Oui, bah oui, peut-être. C'est sûr. Non, mais sérieux, je sais pas, je trouve ça un peu... moi, ça me dérange. C'est grossier et déplacé, oui. Par exemple, quand je me promène avec Alice, qu'un mec la mate, ça m'énerve. N'importe quoi. Bah, je sais pas, j'ai... Quoi? Ah bah je pense que je dois avoir des sentiments. Le mec est malade. C'est ça. Non mais Kevin, c'est normal. C'est normal. Ok, ça marche. D'accord. Là, il y a des frontières à pas dépasser, comme par exemple les réflexions désagréables ou les interpellations. Les femmes de manière agressive et grossière, je trouve ça vraiment inadmissible. Ça t'est arrivé toi, Alice, dans la rue comme ça, il y a un mec qui t'aborde et tout? Oui, ça arrive souvent en fait. Finalement, t'as des gens qui te parlent, tu dis ouais, vas-y, on va boire un coup, tu dis non merci, je peux pas, vas-y, t'es qu'une salope. Donc, au début, il s'intéresse à toi, mais après, tu deviens qu'une grosse merde parce que tu rentres pas du tout dans son jeu et que t'acceptes pas, même si tu réponds très gentiment. C'est quoi. Vraiment absolument scandaleux. On n'est pas à votre disposition. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre et les mecs ont du mal à le saisir. Oui, ça répond aussi à une chose absolument horrible, ça s'appelle l'intolérance à la frustration et donc ça débouche sur une agressivité inadmissible. Il y a un truc. Il y a un truc aussi, j'ai remarqué en fait dans la peau d'une femme, hein, parce que des fois je me mets dans la peau de vous les filles. C'est vrai, je me déguise et tout. Non mais sérieusement, j'ai remarqué que quand vous mettez une belle tenue, les mecs, genre avec un décolleté et tout, en fait vous mettez pas ça pour exciter les mecs, vous mettez ça parce que vous aimez bien cette fringue et que ça vous plaît et tout machin. Bah oui. Mais sauf que les mecs, eux, ils interprètent oh putain, décolleté, ça doit être une chaudasse. Oh la chaudasse, c'est ça. Elle veut me chauffer. Ouais. Mais attends, non mais que les femmes, par leur tenue, effectivement, exhibent, entre guillemets, en tout cas, montrent leur féminité, c'est pas pour autant qu'il faut prendre ça pour de l'argent comptant. Bien sûr. Alors après, il peut y avoir des tenues extrêmement provocantes, on est d'accord. Ouais. Il faut savoir garder mesure, mais voilà, c'est pas, faut pas demander aux filles de s'habiller avec un sac de patates, non. Et quand tu verras ton père, tu lui diras, il faut savoir garder mesure, papa. D'accord, Kevin? Ouais, hein, ça marche. Et Carré, j'avais une petite question, là. Ça fait un peu que je suis célibé et tout. Est-ce qu'il y aurait moyen, genre, je donne mon Facebook et tout pour voilà quoi. Pour voilà quoi. Qu'est-ce que tu veux faire avec une auditrice de Fun Radio, toi? Ah non, bah rien, mais voilà quoi. C'est quoi ton programme? C'est-à-dire? Bah, s'il y a une nana qui t'ajoute sur Facebook, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, je vais lui parler. Déjà, je vais voir si elle est mignonne, puis je vais lui parler et tout. T'es comment physiquement, Kevin? Bah, j'aime bien. Les brunes ou blondes. Attends, lui, il fait son marché, le mec. Hein. Il fait son marché, tranquille. Non, mais c'est parce qu'il y a plein de couples qui se sont faits avec Love in Fun, donc forcément, il pense qu'il peut pécho comme ça. Kevin, donne ton Facebook. Allez, vas-y. J'ai changé. C'est NASA. C'est genre NASA N-A-2-S-A espace N-X-2-S-A. Ça fait pas NASA NASA, hein, le tour. NA, 2S, A, espace, NX. 2S, A. Ah, ouais, oui. Doc veut le pécho, ça y est, là, il t'a ajouté. Non, non, non, attends. Allez, Kevin, je plaisante, Doc, enfin. Kevin, on va lâcher ton Facebook si tu veux sur notre Facebook, d'accord? Comme ça, tout le monde va pouvoir te demander en ami. Il y aura peut-être des jolies filles. Salut, Kevin. Ça marche. Salut, merci. Salut à toi. Et Mélodie va nous rejoindre sur Fun Radio. Mélodie de Lille, bonsoir, Mélodie. Bonsoir. Bonsoir Mélodie. Mélodie, t'es passée dans l'émission le 27 avril. Et cette semaine, comme c'est la dernière semaine avant les vacances, on vous prend de vos nouvelles. Et c'est vrai qu'avec toi, on avait eu un sexy chocolat d'anthologie. Mélodie, tu nous avais appelé pour tester ton mec, hein. C'est ça. Voilà, et tu le voyais qu'un week-end sur deux, et on l'avait appelé. Parce que j'ai fait des études à Paris. Exactement, on l'avait appelé, on l'avait testé, il s'était passé un petit drame sur l'antenne. On va réécouter, et puis tu vas nous débriefer de ce qui s'est passé après, justement. Voici Edia en attendant, Your Mind sur Fun Radio. Come alive. If you're ready, get set, let's go. Do you wanna know what heart to heart feels like? Alone in the dark, but the beat feels nice. Taste the fire of a better life. I can give you everything you want. Let's grind to the beat of our burning bodies. I can read your mind. Sur Fun Radio, Your Mind. Loving Fun. 20h, 22h. Du sexe, de l'amour et du fun. Avant dernière émission de la saison, avant les vacances. Et donc, du coup, cette semaine, on s'est dit, on va prendre de vos nouvelles aussi sur j'ai envie de dire, les sexy chocolats, les défis fallait pas demander qui nous ont marqué, qui vous ont marqué. Et autant dire qu'avec Mélodie, c'était passé un truc. Hein. Bonsoir Mélodie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, si je me souviens bien, c'était quand on était en déloc du côté de Metz à Agondange. Ouais, c'est ça. Et tu nous avais appelé dans l'émission. Voilà, tu es de Lille et tu nous avais appelé pour qu'on teste ton mec dans le sexy chocolat. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Grosso modo, je crois que tu le voyais un week-end sur deux. Voilà, en fait, je le voyais un week-end sur deux parce que lui, c'est ses études sur Paris. Ouais. Bah oui. Donc, voilà, j'ai voulu tester avec le sexy chocolat et j'en ai envie pas plus. C'est pour ça qu'ils n'ont pas entendu. Il faisait pas que des études à Paris. Ouais, non, c'est clair. Ouais, c'est clair. On réécoute quand on l'a appelé et derrière on débrief. Parti. Allô? Oui, allô? Bonjour, prends-je pas la Mathieu, s'il vous plaît? Oui, c'est moi-même. Oui, bonsoir, c'est Denis Chon, la chocolaterie Sexy Chocolat. Vous nous connaissez ? Pas du tout. Ah, je me permets de vous appeler, je sais qu'il est un petit peu tard, je vous appelle, je suis embêté. Je vous appelle en fait parce que vous êtes mon dernier client pour ce soir. Je vais vous expliquer, on est une chocolaterie qui vient d'ouvrir là à Paris, et pour se faire connaître, ce qu'on fait, c'est un petit peu de promotion comme ça. On offre des chocolats érotiques que vous allez pouvoir offrir à la personne de votre choix. L'être élu de votre cœur, votre amoureuse quoi. Est-ce que ça pourrait vous intéresser, sachant que c'est entièrement gratuit, vous n'avez rien à payer, c'est vraiment vous me donnez un petit prénom, un petit message, et moi j'envoie le petit cadeau. Bah, si c'est gratuit, je suis preneur. Hein. D'accord. Bah, écoutez, vous allez être ravis. Alors, par contre, notre spécialité, c'est dans l'érotisme. Hein. D'accord. Ouais, il n'y a pas de souci. Hein, donc, à l'intérieur, je vais mettre des petites huiles de massage au chocolat, vous voyez, pour masser votre partenaire. Je vais mettre la spécialité de la boutique, la chouquéquette. Ouais. OK. Et on a ce qu'on appelle les chocolapines. C'est comme un pain au chocolat, quoi. C'est comme un pain au chocolat, voilà. Exactement, vous avez tout compris. Vous avez une petite amie, une femme Ouais, elle s'appelle Morgane. Morgane, d'accord. Morgane, vous me dites ? Ouais. Très bien. Morgane, c'est récent, c'est du vieux, c'est du comment ? Ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois. Vous êtes très sympathique, hein, je vous aime beaucoup. C'est gentil. Non, mais c'est vrai, j'ai eu pas mal de refus là cet après-midi, et vous m'avez dit oui tout de suite. Vraiment, vous avez le cœur sur la main, vous. Hein. Bah, pour faire plaisir à celle qu'on aime, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord, donc ça fait 6 mois que vous êtes avec Morgane. Et alors, qu'est-ce que je peux lui envoyer comme petit message ? On met un petit message sexy, érotique Bah, ça dépend, vous l'envoyez en combien de temps, en fait, Moi, je fais partir mon livreur Christian, hein, il partira demain, dès la première heure. Demain, d'accord. Bah, hâte de te retrouver ce week-end, tu me manques beaucoup. Retrouver ce week-end, tu me manques beaucoup, d'accord, ok. C'est tout, si vous voulez, je peux en offrir un deuxième, vous avez peut-être deuxième petite amie ? Non, c'est bon, un seul, ça suffira. Bah, c'est parfait, je vais vous passer tout de suite ma responsable, d'accord ? D'accord, merci beaucoup. Il va prendre les coordonnées de donc Morgane, hein, c'est ça. C'est ça. Très bien, moi je vous passe Mélodie. Oui, bonsoir Mélodie à l'appareil. Ouais. Ouais, c'est pas bizarre que j'ai le même prénom que ta petite copine par hasard. Salut Mélodie. Ouais, salut. Salut. Qu'est-ce qui se passe hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que... Il se passe que tu te fous de ma gueule, espèce de connard. Mais sérieux, mais t'es vraiment un sale con. Moi, je pensais trop que t'étais fidèle avec moi parce que tu me disais rien, t'étais tout le temps gentil avec moi et au final, genre... On va expliquer Mélodie qui est dans tous ses états, on peut le comprendre. On va expliquer à Mathieu qu'il est en direct sur Fun Radio, qui vient de se faire piéger en connard. Plus. Mélodie... Connard. Mélodie nous a dit voilà, je le teste comme ça parce que j'ai pas trop de doutes. Et là, Mathieu, tu viens de tout péter, quoi. Tu peux donner une explication, là ? Bah, ça fait depuis septembre que je suis à Paris pour mes études et je me suis beaucoup rapproché d'une meuf qui s'appelle Morgane et ça se passe super bien et du coup pourquoi tu continues à rentrer tous les 15 jours et que tu fais comme si rien n'était, c'est ça qui est pas clair. Parce que j'arrive pas à lui dire. Donc c'est toi qu'on a aidé du coup. Ouais, un peu, ouais, j'ai l'impression. Bon, mais quand même, c'est pas très classe ce que tu fais là. C'est vraiment un sale con parce qu'à la base, il était censé rentrer ce week-end et je voulais lui annoncer en fait que j'avais un retard dans mes règles en fait et je voulais qu'on fasse un test de grossesse ensemble ce week-end. Oh mon Dieu. Mais franchement, là, il peut aller se faire foutre parce que moi, je reste pas avec quelqu'un qui au bout de 3 ans, il... Tu prends pas de contraception, rien ? Bah si, la pilule, mais des fois, j'ai un retard et c'est la première fois. Donc, elle est peut-être enceinte. C'est horrible. Tu l'as oublié quelques fois ? Non, même pas. C'est... Jamais, ouais. Non. C'est une pilule que t'es tu vraiment prends. Un sale con, putain, mais t'es sérieux ? Je croyais trop en nous, t'es vraiment un putain de con, je te jure. Le mec, il parle plus, quoi. Mathieu, t'as quelque chose à dire ? Mathieu ? Pardon, peut-être ? Non, mais t'es très amoureuse de Morgane, on est d'accord ? Ouais. Et tu veux quitter Mélodie ? Bah, attention, si c'est pas lui qui le fait, c'est moi. Hein, parce que moi, non, attends, avec un possible comme ça. Je voudrais juste comprendre, parce que est-ce qu'il joue sur les deux tableaux ? C'est pas vraiment ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu veux, ouais, exactement, ouais. Mathieu, là ? En plus, tu vas peut-être être papa. C'est horrible. Ah non, mais c'est vrai. Mathieu, t'atterris ? Oui, non, mais je suis là. Attends, t'aimes qui, t'aimes pas qui, tu sais pas ce que tu veux, en fait, t'es un peu paumé, non ? Il est paumé, là. Non, mais là, je... Bah ouais, là, il sait pas quoi dire, il sait qu'il a entoré, c'est tout. Bon, quoi. Écoute, ce qu'il faut, de toute façon, vous êtes d'accord pour avoir une explication, non? Mélodie, tu veux une explication? Bah moi, j'aimerais bien savoir déjà pourquoi, parce que je me disais que c'était lui, en fait, et d'un coup, j'apprends que... Il vient m'apprendre là ce soir qu'il venait pas ce week-end. Là encore ce matin, il m'a dit vivement ce week-end, j'ai hâte de te retrouver. Bah, peut-être que ce message, il m'était pas destiné en fait. Mais si, il était destiné à qui le message? À Morgane. En plus, les mecs sont gros. Voilà, c'est vraiment un con, putain. Mélodie, on va te repasser Mathieu. Ouais. Je pense que, je sais pas, Mélodie, c'est très triste pour toi évidemment. Mais bon, voilà, il faut que tu passes. T'as quelqu'un pour t'aider? T'as des amis? T'as ta famille? Je ne sais pas. Bah, je suis assez proche de ma mère. Va voir maman. Ouais, ça serait pas mal de lui parler. T'aides un petit peu parce que là, c'est extrêmement brutal. Mathieu a une explication avec elle, mais bon, ça sert à rien de fuir. Hein. Pas cool là pour le coup, Mathieu là. Et on va te repasser hors antenne là, Mélodie, d'accord? Vous allez discuter un petit peu. On essaiera de prendre des nouvelles tout à l'heure de Mélodie. On te fait des gros bisous, Mélodie, et on se tient au courant. D'accord? Et c'était franchement un moment compliqué, hein, vraiment pour Mélodie. Aujourd'hui, il s'est écoulé quand même quelques mois, hein, puisque c'était au mois d'avril. Aujourd'hui, comment ça se passe, Mélodie? Comment ça se passe? Du coup, depuis ça, en fait, on ne s'est pas reparlé. J'ai décidé tout de suite de couper les ponts, en fait, parce qu'au final, il n'en valait pas la peine, il ne rentrait plus. Donc, voilà. Je n'étais pas enceinte, c'est vrai. Ça, c'est bien. Donc, voilà, de toute façon, c'était pas possible, hein, j'allais pas, voilà. Et en fait, deux semaines après ça environ, j'ai une copine qui a fait une soirée pour son anniversaire. Ouais. Et en fait, depuis, du coup, ce temps-là, je pensais absolument pas pouvoir peut-être me remettre avec quelqu'un tout de suite, mais là, on est en train de voir si lui et moi, ça peut fonctionner. On va faire un sexy chocolat. Pour moi. On va le tester. Voilà, c'est on ça, va le tester. Non, on va te laisser. Bah, peut-être que tu vas être un peu moins naïve maintenant. Bah ouais, voilà, en fait, c'est que. Bah, en fait, je lui ai dit, du coup, ce qui m'était arrivé. Et en fait, c'est marrant parce qu'il lui arrive à peu près la même chose sans fin de radio, du coup. D'accord. Et il n'était pas enceinte non plus. Hein. Mais du coup, en fait, on est tous les deux. Dans la vision du on va pas aller trop vite, on va vraiment déjà voir si lui et moi ça peut fonctionner pour voir si on peut entamer quelque chose. Bah, bravo en tout cas, Mélodie, nous on te fait beaucoup. On voit que la prudence t'anime maintenant. Voilà, c'est ça. Franchement, t'emballes pas. Ça m'a vraiment secoué, quoi. Vraiment. Julie qui a entendu le sexy chocolat, t'aurais réagi toi aussi comme Mélodie, t'aurais tout arrêté? Ah, moi j'aurais tout arrêté de suite parce que je me dis que même si on reste une chance après les trucs comme ça, ça peut vraiment vite recommencer ou quoi. Non, moi je stoppe direct. Trompe une fois, trompe toujours? Ah ouais, moi je comprends. T'es d'accord avec ça, Doc? Bah, ça dépend des situations, je sais pas. On fait pas de généralité, quoi. Mais... Oui, mais je pense qu'à cet âge-là, oui, ça marche pas. Ah, d'accord. Compris, ça marche pas. C'est ça. Alors, jusqu'à quel âge on trompe plus, Doc? Non, c'est pas qu'on trompe plus. Je pense qu'on trompe à tout âge, mais. Alors, c'est clair, la sentence est immédiate. Bon, ben, Mélodie. Plus jeune. Après, Il y a une nouvelle relation là qui commence pour toi. On te souhaite beaucoup de bonheur, en tout cas, Mélodie. Ben, merci. Et moi, je vous dis encore merci pour, du coup, m'avoir ouvert les yeux. Parce que, franchement, si cette émission n'existait pas, ça se trouve, je serais encore là comme une conne à l'attendre le week-end. Mais bon. On est là pour vous tous les soirs. On t'embrasse fort, Mélodie. Gros bisous, merci encore. Bisous. Salut à toi. Il y a Damien qui nous rejoint là. Il a 23 ans, il est de Meaux. Oh là là. Salut, Damien. Salut Karel, salut Alice. Je fais salut. Oh là là, parce que j'ai une feuille avec marqué ce qui a se passé. Et qu'est-ce qui est passé là, Damien? Bah, en fait, j'ai écrasé le chien de mon voisin. Et depuis, je fais semblant de le chercher avec lui. Oh là là, putain, merde. Ah ouais, non, on se marre pas. C'est pas bien. Alors, je vais dire, c'est bien une émission qui aime les bêtes, c'est bien nous. Hein. Ah ouais. Hein, moi, j'ai trois chiens compteurs à la maison et j'imagine c'est pas ce qu'il le a fait, ce qu'il a fait du chien écrasé. Non, mais tu vas tout nous raconter dans un instant, Damien. Restez bien ici, ça promet. Et on va écouter Bassada sur Fun Radio. Music sounds better with you. Si vous avez la chance d'être en vacances, profitez bien tout le monde et bon courage à tous ceux qui révisent. C'est Love in Fun. Suivez-nous sur Facebook, la page Love in Fun. 7h10 et 8h10, Bruno paye vos factures. Allô, Vincent? Oui. Bonjour. Allô, Vincent. Vincent? Ouais, Bruno. Et ben voilà. Bravo, Vincent. Tu m'as envoyé une facture de 151 euros et 38 centimes. Qu'est-ce que c'est? Un nouveau robinet de douche.

un sans-papier. J'ai laissé mon cœur, tu l'as vandalisé. De mes fautes, tu désires me verbaliser. Et ma bella, j'ai tout avoué, il serait peut-être en oublié. Et ma bella, ouvre la porte, ne me laisse plus sur le palier. Pour les côtés, mais j'ai fauté. Elle me voyait tout comme le dernier demi-tour. N'écoute pas tous ces michetons ailleurs. Y'a des hauts, y'a des bas, mais pas de quoi perdre la raison. Y'a des hauts, y'a des bas, mais pas de quoi perdre la raison. Appelez Doc, Karel et Alice. 20h, 22h. Fun Radio. Et bienvenue sur Fun Radio si vous venez d'arriver. On reçoit beaucoup de messages là encore hein, ce soir sur le Snapchat de l'émission. On lira vos messages dans un instant. Vous inquiétez pas, sur Twitter aussi avec le hashtag Love in Fun et la page Facebook pour commenter, réagir à tout ce qui se passe pendant l'émission. Et ça réagit déjà beaucoup sur Damien. Il nous a parlé de son histoire. Là, Damien, t'as 23 ans, t'es un mot. Salut Damien. Salut. Salut, salut tout le monde. Bon, alors, vas-y, dis-nous pourquoi t'appelles, là, Damien. Bah, en fait, il y a deux jours, je suis parti en retard pour aller au boulot et j'ai fait une marche arrière de ouf. Et en fait, j'ai écrasé le chien du voisin. Oui. Que j'ai enterré dans mon jardin. Oh, mais non. C'est pas possible. Ah bon? Et que, en fait, je lui ai rien dit et ça fait deux jours que je l'aide à le chercher, en fait. C'est-à-dire qu'il est venu te voir, il t'a dit, j'ai perdu mon chien. Bah, en fait, non, il était dehors, il criait partout le nom de son chien, il s'appelle Kiki. Et donc, je suis sorti, je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé, etc. Il m'a dit qu'il avait perdu son chien, que est-ce que je pouvais l'aider à le retrouver. Donc, on a posé des affiches, on est parti dans les forêts aux alentours pour chercher, etc. Et bah, en fait, je sais pas trop comment faire, en fait, là. Oui, dans ces cas-là, mieux vaut dire la vérité tout de suite, c'est beaucoup mieux, même si c'est horrible, tu l'as pas fait exprès. Donc, voilà. Ouais, je suis d'accord, après, ouais. C'est vrai, mais... Bon, alors, maintenant, tu vas pas continuer, il faut que tu lui dises la vérité. C'était quoi comme race de chien? C'est un chihuahua. Un chihuahua, bien sûr. Ah, c'est un peu... ah oui, c'est tout petit, en plus. Ouais. Putain, ouais. Franchement, c'est... Ouais, en fait, t'as pas de bol, parce que ça se voit pas, un chihuahua. Non, fais pas de vanne. Non, mais je suis vachement sérieux. Attends, si c'est un dog argentin, tu recules, tu le vois dans ton rétro. Oui, un chihuahua, il est derrière une pierre, tu le vois pas. Tu le sens même pas sous la roue, quoi, en fait. Tu le sens même pas sous la roue. C'est horrible, putain. Bah en fait, ouais, j'avais la fenêtre ouverte et quand je l'ai tapé, j'ai entendu le chien, il a aboyé, il a crié, quoi, c'est un peu bizarre. Et tu l'as enterré dans ton jardin. Mais quelle horreur. C'est pas possible. Bah, au moins, il l'a enterré, il aurait pu genre le tèche comme ça, je sais pas où, quoi. Ouais. Oh bon, bref, il faut que tu annonces la couleur. Non, mais. Maintenant, il faut regarder les choses. Ouais, mais là, il a trop traîné. Limite, t'achètes un nouveau chihuahua. Non, mais imagine, Doc, tu dis qu'il faut dire la vérité, mais là, il est en train de chercher dans la forêt, en train de crier Kiki, Kiki. Oh, attends, quelle horreur. Il explique. Mais c'est lui qui va m'enterrer, en fait. Mais bah non, il va pas. Attends, c'est bon, tu l'as pas fait exprès. Ça aurait été un enfant, je t'aurais dit effectivement. Ouais, mais là, attends, tu te rends compte, il l'aide, il est hypocrite, quoi. Moi, on me fait ça et on m'aide à le chercher, mais le mec, je le défonce. C'est clair. T'achètes un nouveau chihuahua, tu le salis un peu et tu dis, je crois que j'ai trouvé Kiki dans les bois. Mais il a l'air d'avoir mal vécu sa disparition. Il est plus pareil, il est assez hargneux. Il faudra le réapprivoiser un peu. Kiki s'est réincarné. Non, mais c'est ça. Mais non, mais putain, merde. C'est genre, mais attends. Mais arrête, Alice. Mais moi, j'adore les animaux. Mais oui, mais le pauvre, c'est horrible. Moi, je le dégage, je le mets au bord de la route. Oh, mais non, tu peux pas faire ça. Le déterrer, le mettre au bord de la route. Mais t'es malade, Damien. Non, mais attends. Attends, deux secondes. Il faut trouver une solution, là. Non, mais dans ce qu'il dit, il faut quand même que ce pauvre homme retrouve cet animal. Et voilà, sinon, il va chercher. Bon, moi, il a disparu. Moi, j'ai perdu des chiens, je sais ce que c'est. Kidnapper, tuer, j'en sais rien. En tout cas, il faut qu'il puisse au moins retrouver son chien. S'il le retrouve mort, il le retrouve mort. Mais tu sais quoi, plus j'y pense, en fait, et plus je me dis qu'il doit rien dire et le chien a disparu, et puis voilà, quoi. Bah, moi, j'avoue, j'ai un chat. Et mon chat, on fait ça. Genre, mec, je le démonte, quoi. Fais gaffe qu'il détruit pas le chien. Alors, dites-nous ce que vous en pensez, là. 01-42-48-5000. Les chats, ça s'écrase beaucoup plus parce qu'ils se baladent partout. Hein. Bah, c'est ça. Ouais. Totalement indépendant et tout. Ouais. Julie, notre auditrice du soir, qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors moi, je pense qu'il devrait le dire parce qu'il m'arrivait à peu près la même situation avec mes deux voisines. C'est-à-dire elle avait tué, il y avait une voisine qui avait tué le chat de l'autre. Ouais. C'était des maisons côte à côte. Donc en fait, elles vivaient constamment ensemble et elles pouvaient pas se voir les deux. Ouais. Du coup, l'autre, elle avait tué le chat de l'autre et elle l'avait enterré dans son, je sais pas, dans son compost ou j'en sais rien. Et du coup, l'autre mémé avait été le chercher en fait. Mmh. Elle l'avait vu au loin et une embrouille, mais je vous explique même pas le truc. Du coup, je pense qu'il faut quand même aller le dire. Tu dis que voilà, t'as pas osé lui dire, que tu t'en fais très mal, très gêné, et puis voilà. Et retourne la situation, tu dis c'est ta faute, t'as qu'à pas laisser ton chihuahua sur le parking. Ah, il était attaché ou pas attaché? Il n'était pas attaché, il se promenait comme ça, il n'était pas attaché. Ouais, mais bon, quand même. Attends, il ne l'a pas fait exprès, ça arrive. Ah non, mon Michel, des fois, il se barre et tout, je suis en train de les chercher à 8h du mat, torse poil. Justement, Alice doit te dire une chose depuis qu'il conduit. Quoi? De quoi? Depuis que tu conduis, je voulais dire non, mais bon. Non, bah, une fois un moineau, j'avoue. C'est vrai, t'as écrasé un moineau. Franchement, j'ai super mal vécu. Je l'ai pas écrasé, il a foncé sur moi. Sous la voiture. Mais paf! Et c'était horrible. Non, je l'ai très mal vécu. Souvent, ça arrive, ouais. Et ça m'arrivait il n'y a pas longtemps. Et je te comprends, Alice. Ouais, non, on n'est pas bien. J'ai fait ça avec une chouette en pleine nuit, avec ma moto. Une chouette? Mais alors toi, t'as vraiment pas de bol. Mais attends, une chouette? Ça fait BAM! Okay. Sur ta moto? Oui, donc je me suis arrêté. Ouais. Et puis, j'ai posé la moto, j'ai mis la béquille, et là, j'ai entendu. POC! Il l'a mis en PLS, machin cardiaque. Elle est tombée par terre. Oh, oh là là. Et alors, tu l'as amenée chez le véto? Elle était morte. Elle cognait ma moto, elle était morte. On déconne. Donc, une chouette, hein? On entend ton handspinner. Ouais. Je sais, c'est exprès. Ah, bah, tu nous emmerdes, en fait. Ah, ah, c'est chiant. Ah, on va pas y aller par quatre chemins. C'est chiant. Donc, bon. Je teste ça pour voir qu'est-ce qu'il y a. Moi aussi, j'en ai un dans les mains. Ah, ouais, vas-y, d'accord. Fais-le, fais-le. Ah, bah, déstresse-toi, t'as raison. Et l'autre, il a écrasé le chien, il est avec son handspinner tranquille, quoi. Damien, moi perso, je change d'avis. Tu dois lui dire. Dites-nous, on va mettre un petit sondage sur Facebook, sur Twitter, pour nous dire ce que vous en pensez. C'est une histoire de dingue. Damien, on va te récupérer tout à l'heure, d'accord? Okay. Pour te faire un débrief de toutes les réactions, pour savoir quoi faire. Et si d'ailleurs il y en a qui veulent réagir, franchement, moi ça me touche perso, les animaux, tout ça, clairement. 01 42 48 5000, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Damien? En même temps, ça peut arriver, voilà. Ça vraiment, c'est pas volontaire. Oui, il a l'air d'être très mal. Bien sûr, mais bon, en même temps, c'est la mort d'un animal, c'était hyper proche de lui, enfin, c'est vraiment dur, c'est triste, quoi. Damien, tu restes ici, on te reprend tout à l'heure, d'accord? Ouais, pas de souci. Tout à l'heure, Damien. Et Kylian, Kylian est avec nous, 16 ans à Châteauroux. Bonsoir, Kylian. Salut Carré, salut Doc, salut Alice. Salut à toi Kylian, tu voulais nous parler de quoi? Alors moi je vous appelle parce qu'en fait je suis pompier volontaire et je voulais vous raconter une histoire de ouf que j'ai vue hier. Oh là là là. Je n'ose imaginer ce dont tu vas nous parler parce que c'est vrai que vous êtes témoin, vous les pompiers volontaires, de scènes parfois assez horribles. Je sais pas ce que tu vas nous dire, en tout cas si vous aussi vous avez été témoin de choses un peu spécial, voilà, pendant votre job. Venez nous raconter, là, au standard 01 42 48 5000. Allez-y, et puis réagissez sur Kiki, là. Damien qui a tué Kiki, le chihuahua. Comment est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit en parler aux voisins? Il l'a fait accidentellement, bien sûr. Voici Bastard en attendant. Music Sounds Below Review sur Fun Radio. L'un des tubes de l'été, hein, clairement, sur Fun Radio. Bastada et Music Sounds Better With You. Du sexe, de l'amour et du fun. Loving Fun. 0142 48 5000. Loving Fun. Sur Fun Radio. Et cette semaine, on se réécoute les meilleurs défis, fallait pas demander, de l'année. On se régale, hein, je vous le dis depuis hier. Alors. Là, on va écouter un défi avec Timéo, 14 ans de Lille, qui avait appelé sa cousine Aïcha pour lui dire qu'il avait cassé son téléphone à Aïcha. Elle était, mais alors, pas contente du tout. Écoutez. D'accord. Bonne chance. Allô ? Allô ? Allô ? Bah, c'est Timéo ? Oui. Bah, est-ce que ça te dérange si j'ai cassé ton téléphone ? Quoi ? Pourquoi t'as cassé mon téléphone ? Bah, j'ai joué un jeu. Quoi, t'as joué un jeu? Et c'est ta mère peut-être qui va le payer le téléphone, hein? Bah, je l'ai claqué sur le mur, j'étais énervée. Ailleurs, c'est toi que je vais claquer sur le mur. Pourquoi t'as cassé mon téléphone? Est-ce que c'est ta mère qui l'a acheté? Bah non. Bah non. On dirait que moi je rigole là. Est-ce que là je rigole? Ah, bah, Allah. Wallah, je te vois, je mets une grosse telle hada à la figure. Ah, t'es à... Là, t'es dans la merde. Je suis avec le réparateur, avec ma mère, et il demande 300 euros pour le réparer. Ah, y'a encore les 300 euros. Hey, tu pourras jamais les voir. Wallah, c'est toi qui vas les réparer. Tu vas le réparer. Hey. Je passe le réparateur, il veut te parler. Ok, d'accord. Hello. Allô. Oui, bonjour madame. Bonjour. Je suis avec votre téléphone là. Oh là, ça va pas du tout là. Hein. Il est complètement cassé. Alors moi, j'ai fait un devis hein, pour 300 euros de réparation. Il y a 300 euros pour un écran. Bah, il y a pas que l'écran hein, qui est cassé. Il hein. Y a la puce chipset 2024 et la 2048. Et eh ben dis-lui que c'est pas moi qui va le payer. Hein. Alors, c'est lui qui va le payer. Si je peux me permettre, hein, le téléphone a été brisé suite à un choc, hein. Et il y avait également, je pense, une utilisation, très, comment dire, très mauvaise hein, de la part du petit jeune là qui est venu me voir. Là. D'accord. Hein, il m'a raconté qu'il avait déjà fait tomber 2-3 fois et ça peut expliquer pourquoi il est dans cet état là. Parce que là il l'a fait tomber 2-3 fois. C'est lui qui va tomber 2-3 fois. J'ai retrouvé de l'eau dedans. Il me dit qu'il l'a fait tomber dans un lavabo. À mon avis, il y avait de l'eau dans le lavabo. Il a fait tomber le téléphone aussi dans l'eau. Ouais, alors en plus, s'il n'y a pas les 300 euros, moi je peux pas récupérer les messages, les photos, les vidéos. Voyez. Parce que j'en ai déjà récupéré quelques-unes, alors il s'amusait à prendre des photos de son sexe sur votre téléphone. Parfois, ah, il va mourir. Il y avait des sexes partout. J'étais choqué. Je vais vous le repasser. Vous me dites, hein, vous lui dites si c'est OK pour la réparation. D'accord ? D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allô ? Allô ? Alors toi ? Ah, Nialmouk, tu vas mourir dans le mur. Alors toi, non. Je vais te noyer. Ah, tu vas mourir. Wallah, si je te vois, c'est ton crâne que je vais casser. Passez-moi la demoiselle, on peut peut-être trouver une solution. Oui, allô ? Allô ? Oui, de nouveau le réparateur. J'ai peut-être une idée, ça vient de me tomber comme ça sur le coin. J'ai peut-être une proposition à vous faire pour le téléphone. Ok, c'est quoi la proposition ? Bon, bah, vous me faites une petite pipe et on oublie tout. Quoi ? Hey ! Oh, ouf, ça dure 5-10 minutes, hein. C'est pas long. Hey, vous êtes ma poule ! Hey ! Vous demandez ça à ta mère ? Bon, ça va, hein. C'est juste comme ça, je demandais, hein. C'est pas la peine de s'énerver. Mais va te faire écraser ! Va te faire écraser ! Oh, non mais franchement, il se coulisse de comme ça. Parce que j'ai vu des photos de toi dans le téléphone, t'es plutôt jolie, voilà. Moi je te propose, tu vas passer un bon moment avec moi. Hein. Mais votre claque est dans un mur. On m'appelle l'étalon de Lille, l'étalon lillois. Ah non. Et aussi... Je suis aussi connu pour être animateur sur Fun Radio et t'es en direct, Aïcha. Oh hey. Bonsoir Aïcha. Bonsoir Aïcha. Salut. Qui vient de se faire piéger dans toute la France par Timéo. Ah oui, oui. Timéo, tu viens de piéger ta cousine dans toute la France, oui. Avec le défi Fallait pas demander. T'as réussi à l'énerver. Alors c'est gagné, bravo Timéo. Ouais. Ça va, Aïcha? Un truc. Ça va. Tu vas pas me taper? Non. Ah, d'accord. Elle a eu peur pour son téléphone, tu m'étonnes. Ouais. Mais pourquoi tu laisses ton téléphone à ton cousin aussi, Aïcha? Parce que de temps en temps, en fait, j'ai deux téléphones. Et de temps en temps, il me demande de le prêter comme lui a cassé le sien. Donc, je l'ai prêté gentiment et tout ça. Ouais. T'es quand même vachement plus agréable quand t'es calme. Ah ouais? Ouais. Aïcha, t'es un amour. On te fait des gros bisous. Ne t'inquiète pas, ton téléphone va bien. Tu confirmes, Timéo, hein, tout va bien au niveau du téléphone? Bah oui. Hein, super. Oui. Et bah voilà. Ah, mais je l'ai cassé. Ouais, c'est ça, ouais. Le mec s'arrête jamais, tu sais. On continuera. Demain matin, on va l'appeler. Ouais, je suis encore dans le canular. Ça, on te fait des gros bisous, Aïcha. On t'embrasse fort. Merci. Salut Timéo. Tiens, ben, quand tu veux, toi aussi, bravo. D'accord. Bravo à tous les deux. D'accord. Salut. Fallait pas demander. Dans Loving Fun. Et demain, hein, ce qui vous attend, c'est un nouveau défi. Fallait pas demander les meilleurs de l'année. On a Kylian là, qui est avec nous là en direct. 16 ans de Châteauroux. Salut Kylian. Salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut. Salut toi Kylian, t'appelles pourquoi? Alors moi je vous appelle parce que je suis pompier volontaire et en fait hier j'ai vu une scène de ouf en intervention, donc du coup je voulais vous en parler. Et on vous pose la question d'ailleurs, hein, si dans votre boulot vous avez déjà vu un truc assez dingue, n'hésitez pas à nous appeler 01 42 48 5000, c'est le numéro. Et en attendant, la superstar mondiale, superstar Fun Radio, voici Katy Perry, Chained to the Rhythm. Liars. Turn it up, it's a favorite song. Dance, dance, dance. Katy Perry sur Fun Radio. Du sexe, de l'amour et du fun. We're having fun. Tous les soirs. Love in fun. 20h, 22h sur Fun Radio. Vous êtes tous les bienvenus sur Fun Radio. Merci hein, d'être là tout le monde. 20h, 22h du dimanche au jeudi, c'est votre émission, c'est Love in Fun. Et on a Kylian qui est avec nous, il a 16 ans, de Châteauroux. Bonsoir Kylian. Salut l'équipe. Salut à toi. Salut. Alors vas-y, raconte-nous là, qu'est-ce que t'as vu de dingue là? Alors moi en fait, ce que j'ai vu de dingue, c'est que bah là en fait, je commence tout juste les pompiers et ouais. Je suis en formation. Ouais. Et si vous voulez en fait, hier les pompiers bah ils m'ont emmené en fait sur une intervention. Oui. Sauf que là, c'est le, j'ai vu un mec en fait, on est arrivé sur un mec qui menaçait en fait de se suicider. Ouais. Si tu veux, il avait un kiwi dans la main et il disait ouais si vous approchez, si vous faites un pas de plus, je mange ce kiwi, je suis allergique, ça va me tuer et tout ça. Quoi ? Enfin, tu vois, c'était... Enfin, voilà, quoi. C'est un peu de chantage, oui. Mais c'est vrai, ça, Doc, on peut être allergique au kiwi et mourir ? Oui, on peut avoir une vraie allergie et avoir fait un choc anaphylactique. C'est une réaction immédiate en quelques minutes. Ça peut exceptionnellement arriver. Ça arrive avec les piqûres de guêpe, ça arrive avec certains médicaments. Ouais. Voilà, bon. Un kiwi, quoi. Sauf que, bon, il a bouffé son kiwi ou pas, finalement ? Eh ben finalement non, il l'a pas bouffé, enfin voilà, mais du coup en fait si tu veux à ce moment-là dans ma tête j'avais envie d'exploser de rire, mais d'un autre côté j'avais le côté professionnel, donc j'ai pas trop osé rigoler. Ouais, et ouais. Du coup là maintenant la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai assez de sang-froid pour être pompier, quoi, parce que vu que j'étais entre le rire et voilà. Non, alors je vais te dire, bon ça peut paraître comme ça, mais quelqu'un qui se dit d'abord il sait absolument pas lui-même s'il va faire un choc grave, et même s'il fait un choc grave, les pompiers à côté, tu peux justement le réanimer, toutes les personnes sont là. Je pense que c'était quelqu'un qui n'était pas bien du tout, qui avait une grande détresse et voilà, qui a trouvé ce subterfuge, mais je pense surtout que c'était un énorme appel à l'aide, avec une envie de mourir peut-être, ouais, pourquoi pas, ouais. En tout cas voilà, il a été transporté en psychiatrie ou pas? On l'a juste transporté à l'hôpital, après c'est eux qui ont dû... Après c'est eux qui gèrent, bien sûr, c'est normal. Franchement, pompier, c'est une vraie vocation. Hein, donc. Comme médecin, oui, d'ailleurs. Non, quand vous êtes amené à voir des cadavres, des gens qui ont eu des accidents, enfin c'est... Franchement, il faut avoir le cœur accroché. Lui, hein. Lui se dit, voilà, c'est une situation un peu rocambolesque, comme ça, un peu... Bon, ce qui fait rire, qui prête à rire, donc j'ai failli rire, c'est ce que j'ai compris, hein, c'est ce que tu me dis. Ouais, c'est ça. Et donc, finalement, si je rigole devant une détresse, non, mais attends... Il y aurait eu du sang ou un bras coupé, t'aurais pas rigolé, quoi. Ouais, c'est ça. Non, bah non. Bien sûr qu'il y a. Et voilà, je pense qu'il y a un côté pathétique. Mais néanmoins, je mesure quelle pouvait être la souffrance du psychologique mec. De ce garçon, et je comprends à quel point il pouvait être comme ça, on va dire provoquant d'une certaine façon. Mais en tout cas, heureusement, on est venu l'aider, parce que un jour c'est ça, puis après il trouve de vrais moyens pour mourir. Ouais. Et alors, souvent d'ailleurs, ils veulent être aidés, hein, ces personnes-là. Oui, c'est surtout à l'adolescence, c'est pas tellement vouloir mourir en tant que tel, c'est simplement ne plus vivre une situation qui fait énormément souffrir, et trouver une solution comme ça, de quitter ce corps pour aller peut-être en retrouver un autre, je ne sais pas. On vous pose la question d'ailleurs, hein, si dans votre job, voilà, vous avez vécu une situation un peu étonnante, parfois choquante, n'hésitez pas à nous appeler. Je te poserai la question aussi, Doc, parce que toi, t'es médecin. T'as dû voir des trucs de dingue. Marie est avec nous, 22 ans de Béziers. Bonsoir, Marie. Salut. Bonsoir. Salut tout le monde. Salut, Marie. Quel est ton métier, Marie? Alors, moi, je suis gendarme. Et en fait, quand j'étais en région PACA, on surveillait un site où il y avait une cantine pour tout le monde. Et donc je finissais à midi, puis midi moins le quart, je suis appelée sur un accident du travail justement en face de la brigade. Donc je me déplace et en fait c'était le cuisinier qui s'est coupé le doigt par la pâte à pétrir, la machine à pétrir la pâte à pizza. Oh. Et le doigt était dedans. Non, mais ça c'est rien encore, hein, c'est pas très grave. Ah bon? Enfin, pour moi, en tout cas pour ce que j'ai vu. Ouais. Après lui, c'est sûr que voilà. Et donc, avec mes collègues, on fait des constatations, on appelle les pompiers, on ramasse le doigt, machin. Ah, on ramasse le doigt. Ah, ils vont ramasser le doigt et tout, quoi. Ah, c'est dégueulasse. Ah, bah oui, il faut le mettre dans des glaçons. On peut recoller après. Oui, voilà, je veux dire, pour en faire une greffe, on a pris des glaçons, on a ramassé le doigt pour éviter que tout, les tissus nécrosent et tout ça, quoi. Voilà, parce que je rappelle que même quelques heures après, il s'est fait possible, si la conservation est bonne, de le regreffer. Ouais, mettre un petit peu de glu, un petit peu de scotch. C'est pas aussi simple que ça. Ah bon? Non. Ah bah dis donc. C'est une grosse intervention. Ah, je pensais. Étonnant. Ah oui. Pardon, Marie, tu nous as dit que tu avais vu un truc pire? Bah après oui, il y a des accidents et tout ça. Ah ouais, enfin voilà, c'est un doigt, c'est rien. Et puis donc on finit l'intervention, on va manger à cette fameuse cantine où on mangeait tous les midis. Ouais. Et donc il y avait de la pizza, donc ça coupait un peu l'appétit quoi. Ah oui, non, d'accord. De la pizza au doigt. Hein. Voilà, donc un de ongle. Suite, c'est repensé à tout, quoi. C'était un peu dégueu. D'accord, Marie. Bah, merci en tout cas pour cette petite anecdote. Il y a Élise aussi qui est là. Bonsoir, Élise. Salut. Salut, Élise. Salut, Karel. Salut, tout le monde. T'as 21 ans, t'es à Bourges. C'est ça. Vas-y, raconte, toi, tu fais quoi dans la vie? Alors, moi, je suis esthéticienne. Ah oui, ah, t'as dû voir des grosses foufes. Oh là là. De tout style. Oui. Ouais. Et en fait, une fois, j'ai dû justement faire un maillot en pâle et la fille, elle avait des strass sur le pubis. Oh, des quoi? Strass? C'est quoi ça? Des strass. Bah, genre des petits diamants, mais qui étaient mis comment? Qui étaient collés ou qui étaient... Parce que maintenant, ils font des implants comme ça sous la peau avec une vis. Non, ils étaient collés. D'accord. Ah ouais, c'est chelou ça. Ils étaient collés, en fait, donc je lui ai demandé, parce qu'en plus, elle n'était pas française. Ouais. Elle était américaine, en fait, c'est qu'elle faisait une tournée dans les cabarets qu'il y avait aux alentours. D'accord. Donc, tu as fait connaissance avec une fouffe un peu décorée. Ouais, c'est ça. Ok. C'est drôle. Ça, c'est rigolo. C'est mignon. Ah, mais je m'attendais à pire. Hein. Bah, écoute, attends. Et voilà. Et t'as déjà fait le sillon interfessier d'un mec, toi? D'un mec, non. Mais les femmes, oui, souvent. D'accord. Oh, putain, ça va être chaud quand même. Ah oui, peut-être pas. Oui, surtout de... quand il reste un petit peu de merde dessus. Ah, mal. Élise! J'allais dire, surtout quand l'hygiène n'est pas parfaite. Est-ce que du coup, dans ton salon, pour les gens qui veulent des soins aussi intimes, tu mets un petit panneau, s'il vous plaît, pourriez-vous, avant de venir chez moi, vous laver correctement, quoi? Disons que normalement, elles sont censées... C'est de laver les fesses. Quand tu fais des utilisations comme ça, à la base, t'es censé avoir un minimum d'hygiène. Ouais. Ah putain, ouais, quand tu ressens les trucs juste, qu'est-ce que tu leur dis dans ces cas-là? Tu leur dis rien, mais tu mets des gants et tu passes la lingette désinfectante, quoi. Bah ouais, c'est ça. Faut des lingettes en libre service, quoi. C'est ça. C'est abusé. Ah ouais, non, c'est un truc de ouf. Bah, c'est atroce, ça nous a calmé direct. Il y a des gens qui ont... Enfin, je sais pas, c'est bizarre, oui. Moi, la deuxième anecdote m'a bien fait marrer. Bah ouais, ça, on passe des strass au reste, c'est particulier. Il y avait un petit bout de kékène, donc. Il y a des idus. Kevin est là aussi. Salut, Kevin. Salut. Salut, Kevin. Salut. T'as 25 ans, t'es à Toulon. C'est ça, exactement. Allez, vas-y, raconte-nous, toi. Bah, en fait, je travaille avec Bubertin Échangé. Ouais. Je suis cuistot dedans. Et on a eu un soir où un couple sont venus. Ouais. Ils sont présentés, donc le mari et la femme. Et elle nous expliquait qu'elle aimerait battre un record de gangbang et se faire 77 mecs dans la soirée. Ah, d'accord. Wow. Et oui, et le cuistot était de la partie. Non, surtout pas, non. Ah, non. Mais... Pas trop mon kiff, en fait. On fait des rencontres étonnantes. Ah, c'est marrant, ton kiff, mais tu bosses dedans, ouais. C'est particulier. Bah, parce que ça te file du boulot, ouais. Bah, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais donc, quelqu'un de vachement respectable, en plus, une dame, quoi, je discutais parce que je suis quand même assez curieux et une comptable, tout ce que vous voulez. Et... En fait, voilà quoi. Donc le mec, elle était venue avec son mari pour regarder, parce que lui, il voulait quand même voir les structures de comment ça se passe, comment ça allait se dérouler dedans et ainsi de suite. Et, 77 ils ont organisé mecs. Ça. Et ils l'ont donc, fait. Ouais. Mais par contre, c'est pas 60. Comment dire, c'est pas 60. Voilà, il faut pas s'imaginer. Elle s'est fait prendre pendant, on va dire, 5 heures, pas 77 mecs. Non, c'est pas vraiment ça. On va dire, c'est plus des périodes de 10 minutes par mec. Et par, comment dire, on les envoyait par 2-3. En fait, c'est une organisation assez technique. Et c'est. Ah ouais, c'est logistique, son truc, le truc. Hein. Putain, c'est ça, exactement. Elle était pas épuisée avant la fin. Hein. En fait, quand je parlais avec elle à la fin, c'est. En fait, déjà, son mari, moi, ce que je comprenais pas, c'est son. Moi, j'imagine pas ma femme faire ça. Ah bah, donc, je veux dire, c'est son mari. Mais en fait, quand elle dit, elle, c'est où il accepte ou pas, et elle a besoin d'une fois par mois ou deux d'être. Soumise à ce point, c'est son kiff, quoi. Le gangbang, juste pour préciser, le gangbang, Doc, c'est quoi Moi, je croyais que c'était des mecs qui se masturbaient et qui éjaculaient sur la fille, c'est ça? C'est un truc romain, je crois, à la base, c'est inspiré de là-bas, je crois, à peu près. Mais ça vient de Rome, je crois, si je me trompe pas, quoi. C'est de la période de Rome. Ça, ouais. Oui, oui. Ah oui, les gangbangs, et on te donnait à manger du raisin et tout. Ouais, ça se faisait vachement. En tout cas, merci beaucoup, Kevin, pour cette histoire. On termine avec des réactions sur les réseaux sociaux. Ça réagit beaucoup, Alice. Alors, Fred nous dit, en nettoyant une chambre, j'ai trouvé un concombre avec un préservatif dessus. Kristen, je suis dans la criminologie. On a trouvé un mec attaché comme un saucisson avec une bouteille de mousse à raser dans les fesses. Et Julie, en maison de retraite, un papy m'a arraché ma blouse en pleine toilette. Ah ouais, non. Ça doit être chelou. Hein. Ah ouais, non. Papy pervers. Ah ouais. Papy chelou.

Don't make me catch a body, that's for any and everybody. Oh my God, she hit me up all day, get no response. Bitch, you blow my heart, that's like turning gold to bronze. Roll my eyes, and when she on the molly, she a zombie. She think we Clyde and Bonnie, but it's more like Whitney Bobby. God forgive me, don't you ever finesse, and I'm a legend. Straight up out the crescent, fly your bait on for the essence. For the record, I knew Colin when that ball was spinning records. Knew like game winning record, I'm just flexing on my asses. Yeah, you're looking at the truth, the money never lies. I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. Know you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watch them, don't run out of time now. One. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, I'm the one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, I'm the one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, I'm the one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, I'm the one. DJ Khaled sur Fun Radio. Tous les soirs, 20h, 22h. Love in Fun. Sur Fun Radio. On fera un petit point dans un instant sur Damien qui a écrasé le chien de son voisin Kiki. C'était un Yorkshire, non c'est ça, un Chihuahua. Chihuahua, c'est encore plus petit. Un Chihuahua, voilà, et il a pas fait exprès. Et du coup, il l'a enterré dans son jardin et il a dit à son voisin qu'il est allé le chercher avec lui pendant deux jours. Ouais, c'est ça. Il siffle, Kiki. On vous a posé la question sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde. Il y en a beaucoup qui disent qu'il faut le dire. Oui, il faut dire aux voisins. On fera un petit point tout à l'heure avec Damien. On le reprendra à l'antenne, bien sûr. Et puis là, on va accueillir Ludivine, 19 ans de Saint-Étienne. Salut Ludivine. Salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut. Bienvenue dans Love in Fun, Ludivine. Tu nous appelles pourquoi? Ben voilà, moi j'appelle parce qu'en fait, je crois que j'ai chopé des morpions et du coup, je voudrais savoir comment m'en débarrasser. Ah, les poux pubiens. Les poux pubiens. Oui, en fait, c'est un poux. Ah ouais, c'est un poux. En fait. Alors juste, faut qu'elle explique un peu parce que ça peut aider quelques personnes. Ah. Quels sont les symptômes pour toi? Ben moi, c'est une forte démangeaison en fait depuis deux jours. Mais t'arrêtes pas de te gratter quoi. Ouais, j'arrête pas de me gratter et bah au boulot c'est gênant en fait. Je suis obligée de faire ça discrètement, mais je peux pas me retenir. Alors tu peux les retrouver? Est-ce que tu as cherché? Moi quand je regarde, non, je vois rien. Donc il faut que tu les retrouves, il faut que tu prennes un bon éclairage, une loupe et tu vas retrouver les morpions. Bon alors cela dit, ça soigne très très bien. Ça ressemble à quoi donc un morpion? Comme un poux, c'est un poux. Ouais. Oh putain, c'est horrible, ça s'accroche et tout. Ça s'accroche. Ça fait quoi dans la peau le truc? Ça bouffe le sang. Ça bouffe le sang, d'accord. Dis donc, ça donne envie Ludivine. Et comment on chope ça donc? Par relation sexuelle, mais tu peux aussi, si tu as le malheur de dormir dans un lit où des gens ont eu des morpions, juste avant, tu peux les choper comme ça. Mais genre, mon fils il va à l'école, il est en maternelle, il chope des poux. C'est pas les mêmes. Ils ont des lieux de villégiature différents. Ah d'accord. T'as le poux pour la tête, le poux de tête. Capitis. Et le poux de... Et le poux de pubien. D'accord. Donc ils n'ont pas les mêmes lieux de... séjour. Ah ok, t'as déjà eu ça toi? Ils vont pas en vacances au même endroit. Jamais, et je l'ai même jamais eu de poux de ma vie. Donc je touche du bois. Non mais vraiment. Bravo. Et alors comment on fait pour s'en débarrasser de... On rase tout. Raser, oui, pourquoi pas. Comme les poux pour les cheveux, non? Bah oui. Oui, non. Tu peux faire un petit shampoing spécial. Oui voilà, exactement, tu vas chez le pharmacien, les antipoux, n'importe quel antipoux peut fonctionner. Éviter les cunis, hein, surtout aussi. Si vous allez manger la viande. Non, mais attends. C'est gros comment, Doc? C'est petit. C'est microscopique, oui. Ouais. Tiens, attends, une photo. Là, ah, fais voir une petite photo. Allez, vas-y. Mais tu le vois quand même, c'est un petit point noir quoi, qui se déplace. Alors, le pouls du pubis. Du pubis, bien sûr. Mais tu vois le pubis ou le pouls là? Non, je vois le pouls, donc c'est au microscope le truc. Mais de toute façon, dès que tu regardes genre les acariens, les trucs comme ça, quand tu les regardes au microscope, t'as l'impression que c'est des monstres inimaginables le truc. C'est ça, hein. Tellement ça fait peur. C'est immonde. Pire que des araignées, des conneries comme ça. Putain, je vais me niquer avec la chaise. Non, mais vraiment, Ludivine. Moi, après, ce qui me fait peur, c'est au niveau du shampoing. Enfin, je me gratte tellement que moi, clairement, ça m'a créé comme des plaies, en fait. C'est l'inconvénient, c'est qu'effectivement, le prurite génère ce qui est un grattage, des lésions, lesquelles lésions peuvent s'infecter. Alors, il faut utiliser un produit antiseptique, certainement. Et puis, voilà, il y a différents produits contre les poux. Mais c'est pas dangereux. Parce que ça me fait un peu paniquer, en fait. Non, non, c'est, actuellement c'est pas dangereux, mais c'est vrai que ça peut transporter des maladies, mais on sait jamais. Julie, notre voilà. auditrice du soir, à Roquebrune. Oui. Tu as déjà eu des poux de pubis? Jamais. Jamais, d'accord. Non, et je touche du bois comme Alice. Hein. Bah oui. Et ben, Ludivine, tu sais ce qu'il te reste à faire. Moi, franchement, ouais. je serais à ta place, je raserais tout ça. Ah et ouais, j'aurais fait 15 shampoings. C'est pour ça que j'ai pas une pilosité énorme. Enfin, c'est pour ça que puis je me lave tous les jours. Enfin, je me dis. On est bien chez toi. Mais ça n'a pour moi, les morsures, c'est quelqu'un de seul qui a ça, en fait. Non, Pas du tout. C'est simplement parier. C'est une transmission uniquement sexuelle, enfin quasiment sexuelle. Bon, sauf maintenant, la question est quitte les arfilés, quoi. Ouais, c'est ça. C'est toujours pareil. Alors, voilà, ça, c'est la deuxième question essentielle. Ça vient de quelqu'un. Depuis quand t'as pas vu un mec? Ou quand as-tu vu le dernier? Non, mais ça fait flipper parce que ça fait 3 ans que je suis avec mon copain, en fait. Ah, bah, donc, c'est peut-être à part lui, il y a personne. Lui, il a été voir quelqu'un, lui, c'est sûr qu'il en a aussi. Ouais, et ça veut peut-être dire qu'il l'a chopé quelque part. C'est juste par relation sexuelle qu'on peut avoir des poux, dans un lit. Ouais, dans un mais lit. Le poux, il vit pas. Par exemple, tu mets des poux dans un sac poubelle, tu vois. Ouais. Tu mets tous tes coussins, tout ce qui contient le poux dans un sac poubelle, tout meurt. D'accord. Tu laisses ça quelques jours, il n'y a plus de poux. OK. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre. Il faut forcément qu'ils se reproduisent et ainsi de suite. Parce qu'en plus, ils vont se reproduire dans. Et genre, ils plantent des œufs dans sa poux. Ça fait des larves. Et puis, tu as des contacts sexuels entre poux. Oh là là là. Ah, tu te rends compte, il y a des morpions qui sont en train de baiser sur ta chaise. Va chez ton médecin, sans déconner, Ludivine. Non, mais voilà. Ouais, non, mais par contre, j'espère pas que mon mec, il a été voir ailleurs et qu'il m'a ramené des morpions. Ça, c'est à voir avec lui, vraiment. Ça commence à être un autre problème, là, en fait. Ah, bah oui. On va dire qu'il peut l'avoir attrapé sans faire exprès dans un endroit. Il dort toujours au même endroit? Bah ouais, après, à part ce week-end, justement, où on est parti en camping avec des potes, enfin, à part dormir chez mais ses parents. Mais depuis quand tu les as, les morpions? Depuis quand tu les as? Ben moi, ça fait que depuis hier que je sens vraiment les... Ah bah alors, on va dire que le camping, oui, probablement. Ouais. Allez, c'est le camping. Il a bon dos, le camping. C'est ça. Non, mais bon, c'est possible. C'est pas impossible, ça. Bon, bah voilà, j'espère que t'es rassuré. En tout cas, tu me débarrasses de tout ça, Ludivine, voilà, d'accord? Et tu me montres le résultat. Un antiparasitaire que tu trouves facilement chez le pharmacien et tu es débarrassé. Gros bisous Ludivine, on va refaire un point sur Damien, 23 ans de Meaux, qui a écrasé Kiki, le chien du voisin, et il lui a pas dit, et là il fait semblant de le chercher avec lui. Damien? Ouais. Damien, on va en parler dans un instant, il y a plein de réactions. Julien sera avec nous, Fanny aussi, vous êtes là Julien, Fanny? Ouais. Vous êtes choqués, vous avez des choses à dire? Un peu quand même, ouais. D'accord, restez bien avec nous, en attendant c'est Becker Matt, Baby sur Fun Radio, c'est Love in Fun. Just burn. Dat sur Fun Radio. 20h, 22h. Sur Fun Radio. C'est Love in Fun. Bienvenue, hein, si vous venez d'arriver. Love in Fun du dimanche au jeudi, 20h, 22h. C'est la dernière semaine là, avant les vacances. Et on va parler de cette histoire de dingue. Damien, 23 ans, deux mots. Petite marche arrière. Et là, il écrase le chien du voisin. Le drame, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il trouve pas d'autre solution que de l'enterrer. Il n'en parle pas à son voisin. Ouais. Son voisin vient le voir et lui dit « Je cherche mon chien Kiki ». Et là, il l'aide à le chercher alors qu'il est enterré dans son jardin. C'est ça, Damien. Ça fait deux jours. Ça fait deux jours. J'ai bien résumé, hein, Damien. C'est parfaitement bien résumé. Tout à fait. Ouais, alors il y a beaucoup de réactions. Sur les réseaux sociaux, ça dit quoi? Il doit le dire ou pas? Alors il y a 72% des gens qui pensent que tu devrais le dire. Il y a Nico qui dit tu portes tes couilles et t'assumes. Virginie, déterre-le et mets-le au bord de la route. Donc on n'a pas toujours les mêmes points de vue. Et Céline qui dit bien sûr qu'il doit lui dire, sinon il va continuer à y penser et le chercher pour rien. Ouais. C'est vrai que ça doit être dur pour lui. Il va vraiment continuer à penser qu'un jour Kiki va revenir. Mais non, Kiki est mort. C'est horrible. Putain, sans déconner. Julien veut réagir. Bonsoir Julien. Bonsoir à tous. Salut Julien. T'es à Toulouse. Vas-y, c'est ça. Et bien moi, en fait, je pense qu'il ferait mieux de le dire. Je pense que l'honnêteté, c'est une bonne chose. Et moi, j'ai perdu un chien suite à un accident de la route sur l'autoroute. Ouais. Et je l'ai retrouvé 15 jours après sur l'autoroute. Oh. Et je remercie le gérant de l'hôtel à côté, car c'est lui qui l'a retrouvé. Et je pense que s'il n'avait pas été honnête, j'aurais jamais retrouvé mon chien. Et perdre un chien, c'est comme perdre quelqu'un. Je pense que quand on n'a pas de chien, on s'en rend pas compte, mais quand on les a, après. Excuse-moi, donc il n'avait pas eu d'accident, le chien? Si, l'accident. Moi, le chien, en fait, quand je l'ai perdu dans l'accident, il s'est échappé. Et quand je l'ai retrouvé 15 jours après, elle faisait 40 kilos de moins et une patte cassée. Oui, c'est ça, il n'était pas blessé, d'accord. Si, un peu blessé, d'accord. Ah oui, quand même. Un peu, ouais. D'accord. Ouais, quand même un peu blessé. Ouais. Ah, elle était toujours vivante. Mais combien ça. Elle était toujours vivante. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est ça l'idée. Ouais. Toujours vivante. Je suis allé voir quelqu'un qui retrouve les chiens de chasse dans la région de la Lozère, qui m'a dit qu'elle était toujours vivante et tout. Alors je me suis obstiné et j'ai fini par la retrouver, quoi. Donc il faut le dire pour toi, Julien. Il faut Fanny. Le dire. Je pense que c'est mieux pour le monsieur. Ouais. Ok. Merci beaucoup, Julien. Fanny, qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui. Bah alors. Alors il est. Mon grand-père lui est arrivé à peu près la même chose en fait. Il a sorti la voiture du garage. Donc il avait un petit caniche, donc c'est un peu plus gros qu'un chihuahua, mais bon, on le voit pas très bien dans le rétroviseur. Donc en fait, il a suivi la voiture, ce qu'il ne fait rarement. Et en fait, mon grand-père, en voulant repartir, a fait une marche arrière et il a écrasé son caniche. Ok. Son voilà. Propre caniche. Son propre caniche, ouais. Il a écrasé son propre chien. Putain, voilà. Mais l'enfer. Putain, mais moi, voilà. Je m'en remets pas, hein, franchement. Ah non, il s'en est parmi, il a pas conduit pendant, trois semaines, il a pas voulu prendre la voiture. Ouais, il devait tellement l'aimer en plus, putain. Ah ouais, bah, puis il était là depuis un moment, le caniche, hein, donc voilà, c'est pareil, hein, c'est un membre de la famille, hein, souvent un chien, donc voilà. Et en fait, ce que je voulais dire à Damien, c'est que ben, ça aurait pas été lui, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, ou ça aurait pu même être son propre propriétaire qui aurait pu, voilà, l'écraser son chien, voilà, ouais. Il est pas en laisse, il est en liberté, souvent un chien devant une voiture, ça peut tous ses réflexes, hein. Dire s'il voit un peu les phares ou quoi que ce soit, il doit humilier, il pense pas se pousser. Donc voilà, donc franchement il devrait mieux lui dire à son voisin et lui dire que voilà. Merci Fanny. Kassim, tu veux dire un truc? Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être un enfant aussi, hein. Ouais, c'est vrai. Oui, bah, ouais, mais ça peut toujours être pire. Non, mais sans déconner. Bah écoute, il positive. Bah oui, non, mais on les lisse, quoi. Non, mais. Ça, c'est les poils, ça pue, quoi. Je suis d'accord avec Julien, qui est très attaché aux animaux, et t'as l'impression, parfois, quand tu perds un animal, que tu perds comme si c'était un être humain, quoi. Bah vraiment. Oui. Mais bien sûr, avec l'affect. Alors, Damien, qu'est-ce que tu vas faire? Franchement, je sais pas, parce que je pense que si je lui dis. Tu nous emmerdes, c'est fait une demi-heure qu'on en parle, mais maintenant, c'est toujours pas. Hein? Mais si je lui dis, c'est moi qu'on va lancer un avis de recherche pour moi, je pense. Mais non, on peut pas être poursuivi, Doc, pour avoir écrasé accidentellement un animal. Non, c'est pas poursuivi, c'est que c'est mon voisin qui va m'enterrer. Ouais, il va t'en vouloir, quoi. Il va me tuer. Non, mais il va pas être content, ça c'est sûr. Et il va être surtout très triste et très malheureux. Non, je pense qu'il faut lui dire pour qu'il sache au moins où est le corps de son chien. Non. Il va vouloir la voir en plus. Il va dire bah ramène-le-moi. Ça va être horrible. Bah oui. Vraiment. Bah, je pense vraiment, Damien. Nous, en tout cas, on t'a dit ce qu'on en pensait. Ouais. On pense que c'est mieux de dire. Maintenant, c'est toi qui le feras ou pas. Ouais. D'accord. Courage. Ouais. Salut, Damien. Salut. Merci, bonne soirée à vous. Ciao, ciao, et merci pour les réactions, toutes les réactions sur les réseaux sociaux, pour Julien aussi et Fanny, merci beaucoup, on fait des gros bisous. Et on va parler de ton chiffre dans un instant, Alice. Ouais, on va parler des personnes qui se sont déjà trompées de prénom, mais en couple. C'est-à-dire que t'appelles ta meuf ou ton mec d'un autre prénom, que ce soit celui de ton père, ta mère, ton ex, voilà, un autre prénom. Ouais, ou la nana avec qui tu couches, ouais, c'est pas ta copine. Et des fois, tu le fais même pendant l'amour. Ah putain, alors ça, ça vous est arrivé, allez-y, hein, n'hésitez pas, 01 42 48 5000, on vous attend au standard. Et puis en plus, là maintenant, on va écouter un tube énorme. Voici Martin Garrix, Vert For You sur Fun Radio. I woke up pissed off today, and lately everyone feels fake. Somewhere I lost a piece of me, smoking cigarettes on balconies. But I can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone, need you on the other side. So when your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. I'll be there for you. When you're screaming, but they only hear you whisper, I'll be there for you. But you gotta be there for me too. Too. Last year took a toll on me, but I made it with you next to me. Around the world and back again, I hope you're waiting at the end. But I can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone, need you on the other side. So when your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. I'll be there for you. When you're screaming, but they only hear you whisper, I'll be loud for you. I'll be loud for you. I got you, I promise. But let me be honest. You gotta be there for me too. Sur Fun Radio. Le chiffre d'Alice dans Loving Fun sur Fun Radio. Avec des sextoys Lelo à gagner. Ah, là, oui. Pour tous ceux qui vont réagir, je vous invite à nous appeler. Hein, 01 42 48 5000. Un sextoy Lelo, c'est du plaisir à partager. Mmh. Et bien sûr. Alors, Alice, ce soir, on parle de quoi? On va parler des personnes qui se sont déjà trompées de prénom en couple. Apparemment, il y aurait une personne sur trois qui a déjà appelé son mec ou sa copine par un autre prénom. Ouais. Après, ça peut arriver. Bah oui, ça peut arriver. Et il paraît que c'est assez bon signe. Oui, ah ça veut aussi dire qu'il y a des habitudes qui se prennent. Mais bon. Bah c'est plutôt mauvais signe quand même. Non, moi, j'ai lu une étude justement qui disait que finalement, c'était pas mauvais signe. Fallait pas que la personne le prenne mal. Ouais. Mais finalement, je veux dire, il y a des moments, tu passes des très bons moments avec quelqu'un. Et quand tu repasses d'autres bons moments, tu repenses à ça et tu ressors le nom de la mauvaise personne. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il y en a qui s'appellent ma chérie tout le temps, mon chéri. Comme moi, ça, c'est ce que je fais. C'est cool. Ah ouais, non, mais voilà. Et toi, tu l'appelles comment ta catoche? Catherine. Mon amour. Oui, aussi. Ma princesse. Et toi, Alice? Moi, j'ai plein de surnoms chelous, mais c'est à base de petits chats, quand même, en général. Merci, Déborah. Alors, on va accueillir Charlotte, qui est avec nous. Charlotte de Clermont-Ferrand. Bonsoir, Charlotte. Salut. Bonsoir à tous. Bonsoir, Charlotte. Sois la bienvenue. Alors, vas-y, raconte-nous, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu t'es trompé de prénom? Bah ouais, avec mon compagnon, en fait, il s'appelle Guillaume, et ça va faire 2 ans que je suis avec lui, et il y a des fois, notamment il n'y a pas longtemps, en fait, vu que c'était mon anniversaire il y a un mois, il y a mon ex qui m'a écrit pour me souhaiter mon anniversaire, en disant qu'il pensait toujours à moi, et en fait, dans la journée, mon chéri m'a demandé un truc, et puis en fait, j'ai appelé Johan, quoi. Oh putain. Donc ça la fout mal. Hein. Ah ouais, l'ex. Surtout parce que tu pensais à lui, quoi. Ouais. Oui. Donc ça craint, quoi. Ça m'a un peu troublé quand même, quoi. Je m'y attendais pas du tout. Donc en fait, t'as encore des sentiments pour l'ex? Ah, pas du tout. Non, franchement, je suis restée 5 ans avec lui, j'ai rompu, ça s'est très mal passé. Je m'y attendais absolument pas et je me suis dit, qu'est-ce qui vient me parler, quoi. Je me suis demandé sur Facebook, il m'a laissé un message et j'ai pas compris pourquoi il venait me parler, sachant qu'il m'a manqué énormément de respect à la fin, quoi. Donc, donc ce dossier est réglé, mais le nouveau, il a réagi comment, lui? Bah, il m'a dit qu'il était très jaloux, possessif, mais qu'il cachait, il se retient et tout, et il a fait style que ça le touchait pas, mais je sais au fond que ça l'a touché, quoi. Mais après, faut pas qu'il le prenne mal, quoi. Franchement, mon ex, moi, c'est du passé. Maintenant, ma vie, c'est avec lui, quoi. Donc. Oui, mais ça va maintenant. Ah ouais, mais moi, j'ai tiré un trait sur mon ex, quoi. J'en ai rien à foutre de lui, moi. Une petite erreur détournée. Franchement, ça veut rien dire. Moi, par contre, je pense que, comme tu disais, Alice, quand t'es en train de faire l'amour avec ton copain ou ta copine, et là, t'entends le prénom de quelqu'un d'autre. Ouais, là, c'est chelou, là. Ah, là, c'est chaud. Ouais, t'imagines en pleine jouissance. Ouais. Ça, c'est bah après, là, faut se poser des questions quand même. Ah bah, on est d'accord. Si on parle prénom de l'ex au même moment quand t'es en train de faire l'amour à ton chéri. Qui dit des prénoms pendant l'amour? C'est vrai. Qui dit un nom? Ça, j'ai toujours trouvé ça très bizarre, quand même. Virginie d'Avignon. Oui. Bonsoir, Virginie. Oui, bonsoir. Ça t'est arrivé, toi? Ben moi, c'est souvent mon conjoint, je l'appelle le même prénom que mon frère. Enfin, je l'appelle par Jonathan. Il s'appelle Johan, mais non, je l'appelle Jonathan. D'accord. Mais surtout quand je suis énervée, en fait. Ah oui? C'est quand on se dispute, souvent, c'est souvent se disputer avec mon frère, et puis voilà, ça revient. Pourtant, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, mais voilà. Il te fait penser à lui? en fait, c'est surtout, je pense que c'est... je sais pas, c'est peut-être encore une habitude qui est restée de quand j'étais avec mon frère, c'est ma mère, mais voilà, quoi. D'accord, mais... Ça te rappelle les souvenirs, quoi. Mais bien sûr. Ouais, bien voilà, sûr. C'est ça. C'est si. Ça, non, mais bon, j'ai tendance à l'appeler Johan, mon frère, aussi. Donc, du coup, en fait, je me mélange tous les deux. Voilà, mais bon, c'est... Merci Charlotte. Ah non, pardon, c'est Virginie. Virginie. Sylvain est avec nous. Bonsoir, Sylvain. Salut tout le monde, comment ça va? Salut Sylvain, de Mulhouse. C'est ça. Salut à toi Sylvain. C'est bien ton prénom Sylvain? Oui, bien sûr. Ah, alors, est-ce que tu t'es déjà trompé de prénom toi? Ben, en fait, moi, mon ex, c'était tout le temps, mais pas forcément devant elle, c'était dans ma famille, c'était avec mes potes et tout. Je l'appelais, c'était Maëva, et je l'appelais tout le temps par le prénom de mon autre ex, Margot. C'est horrible. Et à chaque fois, il me disait arrête, mais tout le temps. Et oui, au bout d'un moment, tu finis par mal le prendre. Bah ouais, elle l'a pris comment? Ben oui, elle, ça va encore, ça m'est arrivé 2-3 fois, tu vois, donc ça passait, mais après, catastrophe. Notre auditrice du soir, Julie, est-ce que ça t'est arrivé, toi? Non, jamais. Par contre, il m'arrivait un truc à peu près sur le même truc. C'est qu'en fait, par message, par exemple, on a deux fois le même prénom et il m'est arrivé de parler à la personne que je voulais, à la personne que je voulais pas, par exemple, qui s'appelait, je sais pas moi, Mathieu. J'ai parlé au mauvais Mathieu, en gros. Ah oui, quand t'as plusieurs Mathieu, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est comme quand tu te trompes de texto, genre t'envoies au dernier moment un texto qui était pas destiné à la personne, quoi. Moi, ça m'arrive souvent, ça. Ah oui, t'as envoyé quoi, toi, comme texto? Bah, je sais plus exactement, mais c'est hyper compliqué. Je suis entourée par des personnes où tous les prénoms commencent par un K, mon mec, de Karel, Kassim, donc c'est compliqué. Donc je l'ai renommé maintenant. Ah oui, j'ai reçu d'Alice, je t'aime, mon doudou. Il m'a répondu moi aussi, j'étais gênée. Il y a des sextoys Lélo qui vont partir un peu partout, à Clermont-Ferrand, à Avignon, à Mulhouse, pour Charlotte, Virginie, Sylvain, qu'on embrasse fort. Et dans un instant, on va reparler des trucs de ouf dont vous avez été témoin là au travail. Ah il y a plein de réactions. Franchement, il y a des anecdotes de dingue qui vont arriver. Vous bougez pas et on va écouter Martin Solveig, c'est nouveau. We are-

22h. Love in Fun sur Fun Radio. J'avais dit tout à l'heure que j'ouvrirais des snaps avant la fin de l'émission. Il est temps de le faire parce que sinon je vais oublier. Donc on ouvre des snaps, c'est parti en direct. Donc pour nous ajouter sur Snapchat, Love in Fun Radio, tout attaché. Dédicace à Chouchoute du 68 qui nous envoie des petites photos. Merci beaucoup Chouchoute qui nous envoie des petits cœurs aussi, ça fait plaisir. Il y a aussi un petit message de Soso Morel qui nous dit je vous kiffe, je vous écoute tout le temps depuis que j'ai pété mon tel. Continuez comme ça, vous êtes les best. Ben merci beaucoup Soso. On te fait des gros bisous. Hugues qui nous envoie un petit message et qui nous dit il fait 22 degrés chez moi, J-2 avant le brevet, heureusement que vous êtes encore là jusqu'à demain, bon courage à ceux qui révisent, hein. Il y a aussi Hugues, trop cool de vous entendre pour cette dernière semaine avant le brevet jeudi. Il y a Didi qui nous envoie un petit snap photo, voilà ma tête après avoir fait tomber 10 litres de sauce tomate et c'est une sale tête. On écoute Love in Fun en famille, ça fait plaisir, c'est Nico Six, Steve Aubry qui dit j'ai pas envie de passer le brevet jeudi et vendredi. Heureusement que vous êtes là pour nous détendre et nous déstresser. Alors je tiens à rappeler que Doc nous a dit en début de semaine que le brevet ça ne servait à rien. Oui bah maintenant ça sert voilà. Quand même un peu hein. Ah, bah écoute Doc, si maintenant ça sert à quelque chose, si tu es obligé tu es obligé de l'avoir pour passer en seconde je crois. Ah ouais, ouais. Ah sans déconner. Ah je savais pas ça. Toujours une bonne info, si, Doc. Mais il me semble pas. Ah non, on nous dit que c'est faux, Doc. Mauvaise info. Oui, en fait, t'es obligé de passer quand même. Bon, mais t'es pas obligé de l'avoir. Voilà, c'est ça. Tu le passes, mais si tu la passes, pas grave. En fait, c'est une première expérience pour un examen. Ouais, quoi. Pour pas l'avoir, faut le faire quand même. Ouais, mais c'est pour les parents. Il y a quelques-uns qui l'ont raté ici, non? Non. Tu sais très bien qui c'est, arrête. Je me souviens pas. Ouais, bah cherche un peu. Je crois pas. Kassim? Ouais, j'assume, moi j'ai pas eu mon brevet, et alors? Eh bah, bravo, il dit Kassim. Ça, il assume pas du tout, il le vit très mal, et c'est un complexe. Ça, ça non, mais c'est juste qu'il était sur Dedos à l'époque, il était déjà à fond, donc il avait pas bossé. Quoi. Des chats de pas poilus. Oh okay. C'est peut-être pour ça qu'il a pas eu. Hein. Alors, on va aussi parler là maintenant de choses un peu étonnantes, un peu dingues que vous avez vues dans le cadre de votre travail. Et on a Cyril qui est avec nous de Nantes. Bonsoir Cyril. Salut les amis, comment allez-vous? Ça va bien. Salut Cyril, salut. En direct de Nantes, la Loire-Atlantique, on t'écoute au boulot. Oh, t'as la radio d'allumer là ou pas là? Oui, attends. Non, là je suis vraiment tout seul, voilà, je suis dans mon petit coin, voilà. En haut-parleur? Même pas. D'accord, un téléphone de merde, hein, vas-y, on t'écoute. Bah merci, téléphone de merde. Non mais c'est parce qu'on entend un petit écho, mais c'est pas grave, c'est sympathique. Vas-y. On se croirait en boîte. Je suis désolé, franchement là c'est vraiment pas fait exprès. Mais on t'aime quand même, vas-y lâche-toi. Ouais bah écoute, bon ça va parler à beaucoup de gens, je suis en fait SPV, donc sapeur-pompier volontaire. D'accord. Je pense que les meilleures histoires qu'on a c'est quand même pendant la tournée de calendrier, où là c'est vraiment les gens se lâchent mais à maximum. Ouais. C'est genre, tu frappes à une porte, la dame t'ouvre, tu commences à discuter avec elle, et là t'as le mari qui arrive qui fait « Bonsoir, vous êtes pompier ?»« Oui, oui. » Et là la femme qui fait « Ah, mince, t'es déjà rentré. » Donc... Genre elle voulait se taper le pompier quoi. Voilà exactement. Okay. Et genre les 06 qui sont lâchés en même temps que le petit billet. Pompier, j'ai tout raté. Pompier ça ramasse. J'aurais dû être pompier. Non, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et Cyril, il t'est déjà arrivé voilà de rentrer dans une maison parce que une jeune femme avait un chat, je sais pas, qui avait un petit problème. Oui, on a eu une inondation. Bah, une chatte, je voulais dire, une chatte. Voilà exactement. Et quand tu arrives sur place, non, en fait, c'est ma chatte qui est inondée. Oui, il est où votre animal? Non, c'est pas mon animal. Oh. Ah ouais, génial. C'est génial, c'est carrément. J'ai ma chatte qui est inondée. Alors, dis-moi, et t'as fait quoi son... Bah écoute, il s'est passé ce qui s'est passé. Oh, tu l'as fait. Ah ouais, non, génial. C'est un Cyril. Attends, je comprends pas, parce qu'en général, vous y allez à plusieurs, non? Ouais, mais sur le coup, on y va plusieurs. Mais après, j'ai oublié mon portefeuille chez la dame. Bah, faut que j'y retourne le chercher quand même. Ah ouais, non, malin. Cyril, dis donc, on est chaud là. Hein. Grave. Ouais. Elle avait quel âge, la dame? Franchement, j'en ai aucune idée. J'ai pas regardé. C'est pas plus mal. J'ai pas regardé et voilà, je sais qu'entre temps, elle a déménagé, donc voilà. Ah bah, y a beaucoup de femmes célibataires hein, qui ont des problèmes d'inondation. D'inondation de chattes, bien sûr. Alors, non, donc, si, ouais, Cyril, tu veux rajouter un truc encore? Ouais, juste un petit bonjour au Doc, parce que Doc, ça fait, sans vouloir le dire, ça fait des années que je le connais. Ah ouais. Ah bah, je voulais le remercier parce qu'il y a quelques années, il m'a donné un super conseil pour une copine. J'avais un doute à l'époque de sortir avec elle, et grâce à Doc, ça s'est super bien passé. Donc, je te remercie Doc pour tes conseils, et continue comme ça. T'es toujours avec? Non, je ne suis plus avec maintenant, depuis j'ai changé. Mais tes conseils ont été très utiles et j'ai même pensé à toi aujourd'hui parce que je suis retombé sur le kit Loving Fun. Alors je pense que... D'accord. Eh ben écoute, d'ailleurs tu n'avais pas réglé ta note parce qu'à l'époque c'était payant avec Doc. Non, ça n'a jamais été payant. 94 euros, c'est les tarifs de Doc, hein, bien sûr. on va accueillir maintenant Marc de Metz. Salut Marc. Salut. Salut Karel. Salut Alice. Salut Doc. Salut Marc. Petite anecdote de travail, on t'écoute. Oui, mais la mienne, elle est moins sexy que celle de Cyril. Vas-y, vas-y. Alors, la mienne, on m'a appelé parce que je fais partie d'identité judiciaire, donc dans la police. Oui. On m'a appelé. On m'a dit, il faut que tu viennes, donc pour une découverte de cadavre. J'ai fait, il s'agit de quoi ? On m'a dit, c'est un pendu. Oui. Donc, je suis arrivé sur les lieux. Oui. J'ai fait, est-ce que je peux rentrer ? On m'a dit, non, il faut que tu attendes ici. Il n'est pas encore mort. Oh. J'ai fait comment ça ? Ben, il n'était pas mort, on m'avait appelé parce qu'on me disait qu'il était mort et en fin de compte, c'était pas encore le cas. Donc, mais quoi, pompiers, c'était pas encore le cas, il faut le réanimer, non ? C'est chelou. Voilà, ils étaient en train de le réanimer justement. Ils ont tenté de le réanimer pendant plus de 45 minutes. Mais ah oui, heureusement, marché. Parce qu'il est et pas au encore bout de mort. 45 minutes, mon chef arrive, me dit bon, ben c'est bon, tu peux aller faire ton travail, il est mort. D'accord, et toi, ton travail, c'est quoi exactement ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Faire des photos, des constatations, des choses comme ça. Oh là là. C'est-à-dire prendre des photos du cadavre et avec un collègue donc au PJ, on a dû retourner le cadavre pour voir s'il n'y avait pas de couteau dans le dos, comme on dit dans notre jargon. Et donc, mais c'est vrai que ma hantise, c'était de voir le cadavre se réveiller, quoi. Ouais. Ah ouais. C'était assez. C'est arrivé. Assez... Pardon ? Non. Bah, Marc, félicitations en tout cas pour ton travail. C'est tellement dur de. Mais de j'en vois tous les jours. Hein. C'est pas le seul, hein. Il y a pire encore. Et tu nous mets de la bonne humeur ce soir. Pour une fois, ça change. Hein. Marc, merci beaucoup en tout cas. J'ai pas demandé d'ailleurs à notre auditrice du soir, Julie. Par contre, je pourrais vous dire juste un mot. Oui, vas-y, oui. Marc. Je voulais vous souhaiter de très bonnes vacances. C'est bientôt pour vous, dans deux jours. Demain soir. On fait une grosse stuff d'ailleurs ici à la radio. Merci beaucoup. Je serai à l'écoute. Avec grand plaisir. Merci beaucoup de ta fidélité. D'ailleurs, merci à vous tous de nous écouter tous les soirs. C'est grâce à vous qu'on est là chaque soir sur Femme Radio. Julie, je t'avais posé la question ou pas ? Je me souviens plus. Non, pas du tout. D'accord. Non. Eh ben, on n'a plus le temps. Alors, je plaisante. Vas-y, raconte-nous toi dans ton travail, Julie. Alors moi, j'étais en stage dans un hôtel et il nous arrivait deux trucs assez hard. Ouais. Le premier, il y a un monsieur, un étranger, il arrive. Ouais. Il vient à la réception dans un hôtel. Il vient et il nous dit voilà, j'ai tué ma femme. J'ai tué ma femme. Oui. J'ai tué ma femme. Alors nous, sur le coup, on ne l'a pas pris du tout au sérieux. Ouais. On a dit oui, allez-y, si vous voulez. Et du coup, finalement, il insistait. Donc, il y a la réceptionniste, ma chef, qui est partie boire. Et il avait vraiment tué sa femme. Oh, elle était vraiment dans le coffre, dans un sac plastique, mais je ne vous dirai pas le truc. Ouais. Et c'est vrai, mais c'est. On était vraiment tous choqués. Du coup, il y a eu les pompiers, la police qui sont arrivés. Et dans ce même stage, un jour, une femme descend et elle vient nous voir et elle nous dit, voilà, mon mari s'est pendu dans la chambre. Donc, il était pendu. Oh là là. Et la femme dans le sac plastique, elle avait été découpée ? Ah non, juste étranglée. Heureusement. Et elle avait fait tout le trajet, donc je vous dis.